On continue de débriefer ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Après les deux tableaux de simple la dernière fois, on attaque les tableaux de double. On enregistre ça quelques jours après. C'est un peu retombé, mais pas trop. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et cette fois, on va essayer de tenir à ce qu'on a dit dans l'intro. Donc, on perd pas de temps. Les tableaux de double des Jeux Olympiques, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21. Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. I'm the bad guy. Take that! Salut Benoît, comment ça va? Salut Ewan, bonjour à tous. Trop bien, merci de m'avoir invité pour débriefer la nouvelle médaille du Toulousain Sofiane Oumia. Alors, t'es pas dans le bon podcast en fait. On n'est pas un podcast de boxe. Même si j'ai pu voir pas mal de boxe cette semaine dans la salle, donc je pourrais peut-être un peu en parler, mais bon, pas aussi bien. J'avoue que à chaque fois que je pense qu'un mec va perdre, à la fin les juges disent qu'il a gagné, donc on va peut-être rester au BAD, un sport où il n'y a pas de juge. Ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Benoît, comme je disais dans l'intro, on a enregistré le simple à chaud, puisque de mémoire on l'a fait le lendemain de la finale du simple homme. Là, on enregistre quelques jours après. Les JO sont pas finis, mais voilà, il y a tout, le BAD, c'est fini depuis quelques jours. Est-ce que c'est un peu retombé chez toi? Comment tu vois ces JO de BAD, on va dire 3 jours après? En fait, c'est marrant parce que je pense qu'on aurait fait l'inverse en termes de tournage. On aurait tourné le simple aujourd'hui. Je t'aurais dit que c'était complètement retombé, mais ces tableaux de double, en tout cas au moins deux d'entre eux m'ont tellement hypé et ont été tellement historiques au-delà juste des JO que du coup c'est pas retombé. Non, effectivement, moi aussi, après, il s'est passé peu de jours et comme en plus les JO sont pas finis, on est encore dans cette ambiance de voir les réactions un peu partout, etc. Non, effectivement, ça aurait peut-être été différent si on avait fait l'inverse. D'ailleurs, si on avait été malin, on aurait fait l'inverse puisque les tableaux de 12 se sont finis après, mais se sont finis avant, pardon. Mais nous, on les tourne après puisque si vous avez écouté notre épisode précédent, vous savez que on était parti pour faire les 5 et on a été un peu entraîné avec Benoît, donc on a dû s'arrêter à 2. Mais aujourd'hui, promis, on fait les 3 et c'est pour ça qu'on va tout de suite se plonger dans ce tableau de double dame. Je vais y arriver. Et direct, on va commencer avec cette poule A qui était nommée à juste titre, je pense, la poule de la mort. Et on va passer relativement rapidement sur les poules. Mais là, je suis obligé de m'y arrêter un peu parce qu'il y a eu... Bon, il n'y a eu que des gros matchs. Je pense qu'on peut, on peut se dire ça entre quatre paires assez serrées. Il y avait donc les Chinoises Chen Jia, les Malaisiennes Tan Tina, les Indonésiennes Ryu Ramadanti et les Japonaises Matsumoto Nagahara. Et ce sont... alors, on savait que les numéro 1 mondiales Chen Jia étaient favorites et elles n'ont pas tremblé, elles n'ont pas perdu de 7. Hein, 17 et 22-20 contre Tan Tina, 12 et 24-22 contre Ryu Ramadanti et 16 et 15 contre Matsumoto Nagahara. Le vrai suspense, c'était plus pour cette deuxième place, Benoît. Et c'est Tan Tina qui sont allés la chercher avec notamment le match très très clutch et le plus important de cette poule, leur victoire contre Matsumoto Nagahara, les Japonaises, que moi je voyais favorite pour la deuxième place. Mais c'est bien Tan Tina qui n'ont pas impressionné ces derniers temps, qui gagnent ce match 18-21, 21-15, 21-16. Et Benoît, je sais plus si toi, comment tu les voyais, Tan Tina, mais ouais, pour moi c'est une vraie surprise parce que pas vraiment en phase avec ce qu'elles ont montré ces derniers temps. Ouais, bah moi j'avais la même vision que toi. Enfin, je voyais Matsumoto Nagahara sortir 2 et assez logiquement, j'ai envie de te dire, au vu des formes récentes. On savait que c'était la poule de la mort et qu'il pouvait se passer des folies très clairement dans cette poule. Et la folie, elle est venue de là, de Tan Tina. On savait que ça pouvait venir d'elle. C'est venu d'un, franchement, un super match. Et j'étais à la fois un peu surpris, mais à la fois très content, parce que j'étais content aussi que ça dynamite cette poule. Et je suis curieux d'avoir ton avis sur Ryu Ramadanti, qui ont été, moi je trouve Ryu Ramadanti relativement décevante. Elles n'ont pas gagné un set des jeux. C'est clair, on parle quand même de la tenante du titre, même si c'est un peu compliqué de parler de tenante du titre pour Ryu, parce que bon, l'expérience de la paire, c'était plus son ancienne partenaire, Grace Chapoli. Maintenant, c'est elle qui se retrouve, c'est la plus expérimentée de cette paire avec Ramadanti. Ça avait bien tourné au début, mais pareil, en fait, ces derniers temps, c'était pour le coup, c'est Enfin, Benoît, je sais pas ce que tu en penses, mais plutôt fidèles à ce qu'elles nous ont montré ces derniers temps, Rayo Ramadanti, parce que on les voit très rarement sur des demi de gros tournois quand même, quand tout le monde est là, tu vois. Donc, elles, pour le coup, c'est peut-être plus logique, même si. Enfin, je trouve que quand même prendre 18 et 9 contre Tantina le dernier match, ouais, ça la fout un peu mal, parce que même si tu es déjà éliminé à ce moment-là, c'est. Ouais, elles sortent vraiment par la petite porte, les Indonésiennes. Bah, je partage totalement. Moi, franchement, quand tu me dis c'est fidèle à leur performance, alors on pourrait dire oui, mais moi je dirais que c'est même en dessous de leur performance. Enfin, franchement, ne pas prendre un set au jeu, je suis désolé, c'est pas manquer de respect à Tantina, mais Tantina, si on juge la forme des derniers mois, c'était pas non plus la folie. Rayo Ramadanti au jeu, très sincèrement, c'est un échec cuisant. Pour le double dame indonésien, on en a déjà un peu parlé, mais on en reparlera pour d'autres tableaux. Et c'est un peu aussi un échec cuisant pour l'Indonésie, qui était championne olympique en titre, même si je suis d'accord avec toi. C'est quand même difficile de juger Rahayu en tant que tenant du titre, sachant que c'était clairement pas Ramadanti qui était à ses côtés. Voilà, c'est clair. Et pour le coup, à Tokyo, elles avaient largement surperformé. Là, effectivement, je trouve qu'elles ont un peu sous-performé, parce que moi, pour être honnête, je les voyais même mieux que Tantina. Je voyais les Malaisiennes terminer dernière. Au final, elles terminent deuxième de cette poule, donc première surprise déjà. Une poule B avec un schéma assez similaire, c'est-à-dire une paire chinoise largement favorite, en l'occurrence Liu Tan, qui ont facilement décroché cette première place, même si elles ont quand même perdu un set. Et ensuite, il y avait le duel à 3, on va dire, pour cette deuxième place, avec les sœurs Chou, les sœurs Young et les sœurs Stoeva. Et à ce petit jeu, on pensait les Américaines, les sœurs Chou, un peu en dessous, et c'est ce qui s'est passé, même si on verra qu'elles n'étaient pas non plus à des kilomètres des autres. Ouais. Donc le match le plus important, c'était Stoeva contre Young, et ce sont les Bulgares qui l'ont emporté. Je dirais plutôt avec la manière, parce qu'elles ont beau lâcher ce deuxième set 23-21, elles gagnent le premier 21-11 et le dernier 21-15. Et Benoît, voilà, on savait que c'était... Les Stoeva, c'est vraiment sur courant alternatif, mais plutôt pas très bon ces derniers temps. Là, c'était pas un match passionnant, je pense qu'on peut le dire, mais elles ont sorti le bleu de chauffe au bon moment, et leur problème physique à toutes les deux semble relativement derrière elles, j'ai l'impression. Ouais, après, je resterai quand même, je dirais, modéré, dans la mesure où, franchement, il y aurait eu Margot et Anne dans cette poule, on n'aurait pas eu les mêmes pronos que la poule où elles étaient, mais en tout cas, moi, je le sentais que les Stoeva allaient sortir de cette poule, parce que il n'y avait pas de paire hyper forte, et je me doutais qu'elles feraient le taf, en fait. Et c'est clairement ce qu'elles ont fait, sans être flamboyantes. Contre Liu Tan, tu prends un set, mais... Très honnêtement, c'est un peu la même analyse quand les sœurs Young ou les Stoeva gagnent. C'est que, je sais pas ce que t'en penses, mais oui, tu prends ce premier set, mais en vrai, dès que les Chinoises se mettent dans le sens, il n'y a plus trop match. Et elles ont gagné le match qu'il fallait, quoi. C'est clair. Je pense qu'elles ne se sont pas non plus arrachées contre les Chinoises en se disant, il faut après qu'on assure contre les Américaines, parce que c'est ça qui veut... Ouais. Voilà. Mais non, moi aussi je sentais bien les Stoeva, parce que en face, les sœurs Chou et surtout les sœurs Young, ça joue bien, mais c'est des joueuses assez jeunes encore. Et c'est pas facile, je trouve, de répondre forcément présent au jeu avec tout ce que ça implique. Et pour le coup, les sœurs Stoeva ont clairement l'expérience de ce genre de rendez-vous, même si leur niveau, on n'est pas du tout en train de dire qu'elles ont retrouvé leur niveau d'il y a 3 ans, hein. Franchement. Non, c'est clair. Maintenant, je doute qu'elles le retrouvent un jour, franchement, j'y crois peu. Ce groupe C avec, là, pour le coup, un schéma assez différent, avec deux paires favorites, les japonaises Matsuyama Shida et les coréennes Kim Kong. Les deux sont passées. Kim Kong qui sort première, puisque dans le dernier match, elles sortent un match de gros match de patronne contre les japonaises 24-22, 26-24. Sinon, elles ont battu leurs deux autres adversaires. C'était les paires indiennes Krastoponapa et australiennes Mapasa Yu. Que des matchs en 2-7 dans cette poule, donc les rapports de force étaient assez clairs. Et pour la troisième place, c'est les Australiennes qui l'ont emporté, Mapa Sayu, qui finissent donc troisième. Quelque chose que toi et moi aussi on avait annoncé, Benoît, je m'en souviens très très bien. Attention à ne pas les, à ne pas les sous-estimer. En vrai, en double dame, je crois que c'est le tableau où quasiment tout ce que j'ai dit, ça c'est. Franchement, c'est peut-être, peut-être ça mon tableau de prédilection finalement. Donc voilà, Benoît. Benoît. Victoire que j'avais pas vu venir quand même de Kim Kong contre Matsuyama Shida pour le coup. Ouais, moi non plus. Après, c'était un match relativement équilibré. Moi non plus, je pensais que Matsuyama Shida sortirait un de cette poule. Après, on a eu. Franchement, c'est la poule où. C'est une des rares poules où j'ai envie de te dire, il y avait peu de potentiels matchs où on se disait là, ça peut jouer la sortie de poule. On savait quasiment qui sortirait 1 et 2. Enfin, qui sortirait en tout cas, ça s'est produit. C'est un peu dommage que Kim Kong ait livré leur meilleur match en poule, mais on en reparlera après. C'est clair. Côté, enfin, je sais pas si tu veux en dire un mot, mais Krastoponapa, le bilan il est catastrophique par contre. Hein. Jolie poule est là à la maison, qu'est-ce qu'elles doivent se dire voilà. Quand tu vois ça? Bah, en plus, je me souviens très très bien que pendant la preview, n'ayez pas de doute, hein. Ce qu'on a dit pendant la preview, on va, et où on a eu raison surtout, on va insister bien lourdement dessus, oui, vous inquiétez évidemment. Pas. Jolie poule est là, on l'avait dit, elles avaient fait une meilleure fin de saison, il leur a manqué quelques mois dans la qualif olympique, mais très honnêtement, quand on voit la perte de Krastoponapa face à Mapa Sayu, je peux te dire qu'on n'est pas prêt de les revoir sur des grandes compétitions, en tout cas celles où il y a sélection de la part de la Fédé indienne. C'est vrai, mais même contre les Australiens, mais même contre les autres, genre, on pouvait espérer pour des top 20 mondiales qu'elles arrivent à faire mieux que ça quand même, alors que là elles n'ont pas existé. Jolie poule est là, aurait fait mieux. C'est probable, vu les formes récentes, c'est très probable. Bah tiens, là on a fait le malin avec nos pronos, mais pour le coup on n'avait pas vraiment vu ce scénario dans le groupe D. Je pense que si on avait interrogé l'ensemble du Discord, je pense que pas une seule personne n'aurait mis ce classement. Donc il y avait deux paires européennes, les Françaises Lambert Tran et les Danoises Regard Tigesen, et deux paires asiatiques, les Thaïlandaises Kittitarakul Prajong Jai et les Coréennes Baek Lee. On voyait quand même les deux paires asiatiques au-dessus. Et ben il n'en a rien été. Je sais pas trop comment résumer ce qui s'est passé dans cette poule, mais en gros, nous on avait surtout les yeux sur un premier match Lambert Tran Kittitarakul Prajong Jai parce qu'on était en mode ouais, ça va être décisif pour la deuxième place. Et ce match important, les Françaises l'ont perdu. Elles avaient pourtant très bien commencé. Premier set remporté 21-12. Derrière, malheureusement, on va le perdre 21-13, 21-15. Benoît, est-ce que tu veux qu'on s'arrête sur ce match? C'était quasiment tu gagnes ou tu rentres à la maison. Tu restes à la maison pour Lambert Tran. Et malheureusement, elles n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait. Elles n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait. À la fois, en fait, ce qui est dur, c'est... J'ai pas envie de dire qu'elles ont fait un mauvais match parce que c'est pas le cas. En fait, je sais pas comment l'analyser. C'est juste que on s'est un peu trompé parce que ce match-là, finalement, c'est plus facile à dire après, mais il a joué la 3e, 4e place. Mais je dirais pas qu'elles ont fait un mauvais match. C'est peut-être leur meilleur match des jeux, même. Voilà, après, c'est compliqué. On a vu la genouillère d'Antran. On a compris des trucs en fait a posteriori de ces jeux et en fait c'est là où je sais pas ce que t'en penses mais ça rend difficile l'analyse, c'est qu'elles font un très bon premier match, on reparlera d'après, mais c'est après que ça s'effondre en fait. Ce premier match il est presque à la hauteur de ce qu'on attendait, moi je trouve. Presque, ouais. Après c'est vrai que ce premier set il est un peu en trompe-l'œil parce qu'après on n'a jamais vraiment l'impression que, enfin, je sais pas qu'elles auraient pu le gagner. Effectivement, l'état physique d'Antran c'est une question, c'est même pas une question, maintenant on a des réponses, on sait qu'elle n'était pas à 100%, mais ça effectivement on ne le savait pas forcément avant, mais clairement je pense que voilà, on peut être très très déçu. Dans le même temps, Fregard Tigesen crée la surprise de ce début de tournoi de BAD, tout tableau confondu, en allant battre Baek Lee, 21-18, 9-21, 21-14. Les Danoises qui étaient vraiment pas fortes ces derniers temps, qui étaient sorties du top 20, qui en sont encore sorties d'ailleurs, et qui créent un exploit assez monumental. C'est rien du tout à côté du match qu'elles font après, puisque contre Kittitarakul Prajong Jai, elles vont le chercher 20-22, 23-21, 24-22. Match de taré. J'étais dans la salle, donc celui-là je peux en parler un peu. Largement le meilleur match de double dame que j'ai vu de ma vie en vrai, et voir celui que j'ai vu tout court, franchement c'était un match incroyable. Fregard Tigesen, elles ont fait un match Enfin, franchement, elles ont fait un match, il y a quasiment rien à redire. Elles étaient toujours à la limite, largement menées dans le troisième set, mais elles ont eu un mental, franchement, toutes les deux. Petit plus pour Sarah Tigessen qui a été monstrueuse dans les interceptions et au filet, mais Benoît, je pensais pas faire un jour autant de compliments à cette paire danoise et je pensais pas prendre mon pied sur un Fregard Tigessen qui titre à cool Prajongjaï. Franchement, de la salle, c'était incroyable. À côté, il y avait deux simples hommes. Donc normalement, quand il y a un double dame avec des simples hommes sur les côtés, on sait ce que le public regarde. Mais là, je peux te dire que je me souviens même pas de qui jouait sur les côtés. Je crois qu'il y avait Nathan Guyen parce que le public n'avait Dieu que pour ce match et bah, c'est mérité. Je pense que t'as donné une partie de la réponse en disant qu'il y avait Nathan Guyen qui jouait. Ah, mais, t'es dur. Non, mais je suis d'accord avec toi. En plus, franchement, on a passé assez de tournois ensemble pour savoir à quel point, bah, parfois, le double dame, et sans faire offense à Fogarty Tigessen, c'est pas les joueuses qui nous passionnent le plus. Du coup, je trouve que c'est assez révélateur d'à quel point ce match était, je pense qu'on peut le dire, exceptionnel. Ouais. C'est assez fou de se dire ça pour une telle affiche, mais c'était le cas. Et en fait, Fogarty Tigessen, tu sens qu'elles étaient ce qu'on appelle dans la zone dans certains sports. On les a pas vues jouer comme ça depuis franchement 3-4 ans. C'est clair. Pas loin. Et franchement, enfin, ouais. Y a un moment où tu pouvais pas voir arriver ça, quoi. Et ce que je trouve d'autant plus impressionnant, c'est que l'exploit, elle l'avait déjà fait en battant Baikli. Et du coup, elles auraient pu arriver avec la pression sur les épaules en mode merde, on joue la qualif. Alors que là, elles ont pris des prises d'options dans tous les sens. Elles ont forcément raté des trucs, ouais. Tu vois, mais elles se sont pas laissées manger par la pression. Franchement, elles se sont plutôt sublimées. Et ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel parce que c'est là que tu vois vraiment ce que t'as dans les tripes, quoi. Et franchement, elles m'ont impressionné. Est-ce que tu veux dire un mot de bah, la petite correction reçue par les Françaises contre Baikli, 13 et 8? Franchement, j'ai un peu l'impression que, bah, je sais pas, elles étaient pas dans le coup sur ce match-là, mais en même temps, Kitarokul Prajongjaï ont pris la même ou quasi. Je pense que très honnêtement, le Fregard Tigessen Baikli, il se rejoint en dernier match. C'est pas pour faire offense à Fregard Tigessen qui ont fait un match exceptionnel, on l'a souligné et tout, mais il se joue en dernier match, c'est pas du tout la même chose. Elles ont peut-être joué au bon moment aussi, effectivement. Voilà, mais après, ça fait partie du jeu, ça enlève rien. Dans le dernier match, tu l'as dit, Kitty Tarakul, Prajongjaï prennent 9 et 12 contre Baikli. Elles étaient déjà éliminées, de toute façon, les Thaïlandaises, sauf exploit, je crois, à ce moment-là. Les Françaises, elles, étaient éliminées et perdent 21-16, 21-12 contre Fregard Tigessen. Je sais pas si tu veux dire un mot de ce match où, de toute façon, les Françaises étaient éliminées, mais c'est quand même un peu triste de finir comme ça. Et aussi, révélateur du niveau, ouais, qu'elles avaient depuis le début de la semaine, les Françaises. Oui, en fait, enfin, je trouve que c'est dur pour elles parce qu'il y a des gens, nous on sait quel niveau elles ont eu toute la saison, elles ont été championnes d'Europe et tout, et moi je trouve que c'est même pas révélateur et symbolique du niveau qu'elles affichent depuis presque un an maintenant. Et en fait, je trouve que pour les gens qui étaient dans la salle et qui suivent pas le bas dans l'année, se sont dit ouais bon ok vas-y, tu sais, ça fait un peu la France était pays hôte et il y a une équipe, il y a une paire qualifiée, alors que très honnêtement, si on juge les 6 mois qu'on a pu voir, elles sont bien, elles sont au-dessus de Fregard Tigessen, bien au-dessus, largement. C'est peut-être abusé, mais... Mais du ceux coup, qui ouais, connaissent pas ça. Le Badalen, ils se disent, mais attends, mais les Danoises, là, elles sont quoi, top 3, peut-être deuxième mondiale, quatrième à la limite. Alors, les gens, ils doivent pas comprendre. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça que je suis un peu déçu pour Anne et Margot, parce que je trouve que c'est pas révélateur de leur réel niveau, en tout cas sur ces 12 derniers mois. Quoi. Non, je suis d'accord. On passe tout de suite au quart de finale. I'm the bad guy. Take that. Alors là, Benoît, on a peut-être passé encore trop de temps sur les poules, mais là, on va en gagner du temps, je peux te le dire, parce que les quarts de finale, il n'y a aucune paire, les scores, c'est une dinguerie. 21-15, 21-8, 21-12, 21-13, 21-9, 21-13, 21-7, 21-12. Il n'y a aucune paire qui a perdu et qui a réussi à mettre plus de 15 points dans un set, donc on va gagner énormément de temps. Après, on peut parler de celle où ça nous emmerde un peu, qui a eu ces scores-là. Parce qu'il y en a, on n'est pas surpris, mais... Bah, voilà, donc, ceux dans la catégorie on n'est pas surpris, Chenjiya qui met 21-15, 21-8 au Sir Stoeva, et Matsuyama Shida qui met 7 et 12 à Fregard Tigessen. Alors Benoît, c'est un peu différent parce que pour les Stoeva, je pense que arriver en quart de finale, c'était bon, le champagne avait déjà été débouché à Sofia, je pense. C'était assez c'était miraculeux avant le tirage au sort, faisable après le tirage au sort, mais le grand max de ce qu'elle pouvait obtenir. Alors que pour Fregard Tigessen, oui, tu m'aurais dit avant le tirage au sort, elles vont faire quart. Je pense que pareil, champagne. Mais quand t'as vu ce qu'elles ont proposé en poule, là, le retour sur terre, il fait mal quand même. Oui, mais il était prévisible. Moi, quand j'ai vu les tirages, j'aurais rigolé si tu m'avais dit que Fogarty-Gaessen irait en quart, alors que les Stoeva, je l'avais annoncé. Moi pareil, mais sauf que là quand même Voilà. 7 et 12, c'est vu ce qu'elles avaient montré 3 jours avant, est-ce que Fredgardt-Guessen elles ont tout mis en poule ou qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est. En fait, ce qu'elles ont produit, c'est trop dur face à un bad aussi technique et appliqué que celui de Matsuyama Shida. En tout cas, c'est mon avis et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que Baekli, malgré tout le respect que j'ai pour elle, c'est pas le bad, comment on pourrait dire, le bad le plus posé, le plus réfléchi du circuit. Non, là, effectivement, les Danoises ont jamais vraiment réussi à enflammer le match et elles se sont Voilà. fait calmer, ouais, effectivement. Oui. Ceux où, Benoît, tu dis ça t'emmerde un peu plus, je pense que ça doit emmerder un peu plus du côté de Séoul encore. C'est Tantina qui met 12 et 13 à Kim Kong et Liu Tan qui met 9 et 13 à Baekli. Benoît, c'est un peu révélateur de ce qu'on voit des paires coréennes parce que ces Oui. derniers temps. Il y a des tournois où elles sont très fortes, les deux paires. Des tournois où elles sont nulles. Là, pour Baekli, c'était globalement très mauvais. Pour Kim Kong, ça a été bien en poule. Et derrière, elles se font corriger. Alors, j'aime beaucoup Tantina, mais jamais elles doivent prendre 12 et 13 contre Tantina, j'estime. Donc, c'est un peu quand même révélateur du déclassement des paires coréennes qui étaient quand même. Il y avait quand même deux paires pour le match pour la troisième place il y a 3 ans. Et là, elles en sont loin, vu les scores qu'elles prennent. Bah, carrément, Kim Kong était médaillé il y a 3 ans déjà. Déjà, ouais. Non, franchement, après, enfin, j'ai envie de te dire, c'est mérité. C'est mérité au vu de ce que tu produis. Maintenant, Liu Tan, c'est un autre débat. C'est mérité parce que, enfin, c'est mérité. En tout cas, tu mérites difficilement de gagner parce que t'es en dessous. Mais comme tu l'as dit, Kim Kong, tu prends 12 et 13 contre Tantina. Alors, Tantina, elles font des super jeux et tout, mais vas-y, enfin. Il y a un moment, ouais, franchement, le contenu et tout, tu prends 12 et 13 contre Tantina, ça me pose un peu question. Je sais pas, je suis curieux de voir ce que va faire la Corée post-JO, parce que très honnêtement, je suis pas sûr que entre 2021 et 2024, ce qui s'est passé là, ça satisfasse Ouais, je crois que c'est ça. la fédération. Enfin, non, honnêtement, dans le contenu. Autant les Stoeva et Fredgardt-Guessen, tu peux te dire que c'était normal. Autant les deux paires coréennes, c'est non acceptable d'avoir pris des tollés pareils. C'est une fédé qui n'hésite pas à faire bouger un peu les choses. Moi, je serais pas surpris Ouais. que ça change, que les paires changent très très rapidement, pour le coup. Surtout après Pareil. ce qui s'est passé là, ouais. Beau match en demi-finale, Chen Jia contre Tantina, victoire des Chinoises, 21-12, 18-21, 21-15, finalement un remake du match qu'on avait eu dans les poules, mais plus serré. Et dans l'autre, c'était pour le coup le match attendu, je trouve, de mon côté. Et j'ai été assez déçu de Matsuyama Shida qui perd 21-16, 21-19 contre Liu Tan. Benoît, je vais te lancer sur les deux demi en général, mais côté Matsuyama Shida, il y aura plus de déceptions que côté Tantina, parce qu'avec l'expérience qu'elles ont, perdre comme ça contre les jeunes chinoises, je pense qu'elles peuvent s'en vouloir. Oui, moi je pense aussi parce que je pensais très honnêtement qu'elle serait capable de faire mieux s'il y avait un quart de finale entre les deux, une demi-finale pardon entre les deux. Elles ont vraiment explosé, j'ai un peu envie de te dire, sous la puissance de Liu Tan, mais moi je trouve qu'elles ont l'anti-jeu de Liu Tan et l'intelligence de jeu pour pouvoir faire mieux que ça. Oui, elle les avait battues aux IFB de mémoire. Elle les avait battues aux IFB de mémoire. J'ai pas le head-to-head, je l'ai pas noté dans mes notes. Mais si tu l'as et que tu peux. Enfin, d'ailleurs, pas grave, mais. Enfin, en tout cas, je pense que dans le jeu et dans le contenu, elles sont capables, Matsuyama Shida, de faire mieux que ça. J'ai été assez déçu et à leur réaction, j'ai trouvé qu'elles aussi. En fait, je pense très honnêtement que Liu Tan s'en sortent relativement bien par rapport à ce que Matsuyama Shida peuvent leur proposer. Ouais, mais je sais plus, quelqu'un, c'est peut-être David dans le Discord qui émettait la théorie que les Japonais ont du mal à être clutch dans les moments importants, je sais plus qui c'était, et je suis assez d'accord, et là je trouve que ça Oui. s'est vu, alors que la Chine c'est tout l'inverse. Ça faisait 2-2 aux confrontations avant ce match, Benoît, donc 3-2 pour les Chinoises maintenant, OK. et ouais, effectivement les derniers matchs c'était aux IFB où Matsuyama Shida avait gagné, tu vois les deux derniers matchs qu'elles ont joués. 14 et 19 et 15 et 19 pour les japonaises. Ah mais voilà, tu vois. Non, excuse-moi, pardon, ça faisait 3-1 avant le match pour les Japonaises, je me trompe, pardon. Ça faisait 3-1 et du coup maintenant, ah oui, et okay, du coup, maintenant 3-2, donc tu as quand même un avantage psychologique assez, assez important. Donc pour le coup, ouais, je suis d'accord que c'est quand même un assez gros échec pour Matsuyama Shida, qui sont pour moi, même si c'est pas forcément le cas au ranking, qui sont pour moi en ce moment la deuxième meilleure paire du monde. Ouais. Donc on peut être assez déçu. Mais c'est, oui, c'est, on en reparlera du Japon, mais c'est une théorie à développer. Ouais, ouais. Oui. 21-11 pour Matsuyama Shida contre Tantina en match pour la troisième place. Ma théorie de c'est ce qui est le c'est du match pour le bronze, c'est en gros celui qui le veut plus, il le gagne. Là, ça se vérifie pas parce que pour le coup, je pense que ramener une médaille de bronze en Malaisie, ça aurait été énorme pour Tantina. Mais là, elles se sont fait exploser. Je pense qu'elles avaient pas mal laissé d'énergie sur le terrain la veille en demi aussi. Ouais, il y a sans doute de ça. Après, enfin, je vais peut-être paraître dur, mais je trouve que c'est aussi mérité. Enfin, là pour le coup, j'avais noté le head to head. Je crois qu'il y avait 9-1 avant cette. Petite finale, parce que j'ai 10-1 sur mes notes, mais très honnêtement, c'est un peu comme Lyuta. J'adore la créativité de Tantina et tout, mais c'est une créativité disons plutôt offensive et en force, et Matsuyama Shida, elles ont vraiment les armes pour contrer ça. Franchement, je suis très peu surpris par le résultat, et c'est pas pour offrir enfin, je trouve que Tantina, je suis curieux de savoir ce que t'en penses, mérité sur la semaine, mais si on regarde ce qui s'est passé depuis 3 ans, cette médaille, quand même, c'est un aboutissement bien mérité pour Matsuyama Shida. Ouais, je suis assez d'accord que c'est mérité pour Matsuyama Shida. Tantina, au final, franchement, tu regardes les paires qu'elles ont jouées. Cette semaine, elles ont joué Matsuyama Shida, Chen Jia deux fois, Kim Kong, Ryo, ouais. Ramadanti. C'est leur semaine est costaud, et si elles arrivent à garder cette dynamique, tu vois, si elles peuvent de temps en temps, et déjà plus près du top 5, ce serait déjà pas mal. Là, en vrai, oui. Si on regarde l'Olympiade, si elles avaient fait bronze, ça aurait été quand même un braquage par rapport aux Japonaises qui sont beaucoup plus constantes. Ouais. Et cette finale sino-chinoise remportée par Chen Jia face à leur jeune compatriote Liu Tan, 22-20-21-15. Bon Benoît, éternel rengaine, les matchs entre Chinois, c'est difficile à analyser. J'aimerais bien savoir ce que tu as pensé de celui-ci. Bah, ça n'a pas été un mauvais match. Non, déjà, cas, dans le contenu, par rapport à voilà. Ce que je m'attendais, après peut-être j'avais des attentes trop basses, mais j'ai trouvé ça pas trop mal. Après, toi comme moi, on a vu tellement de matchs entre Chinois qu'on est difficilement objectif. On est devenu difficilement objectif. C'est vrai. Mais non, c'était relativement un bon match. Mais pour moi, Chen Jia, elles ont quand même croulé sous la pression une fois dans leur carrière. C'était à Tokyo il y a 3 ans. C'est jamais réarrivé depuis. Elles sont quadruple championnes du monde, double vainqueur des Jeux d'Asie, il me semble, championne d'Asie en titre, non pas championne d'Asie en titre, mais double championne d'Asie aussi. En fait, il y a ce titre olympique, mais ce titre olympique, il vient aussi couronner, moi je trouve, une des meilleures paires de l'histoire. On aura l'occasion d'en reparler peut-être dans 10 ans si on fait toujours ce podcast ou même si on suit toujours le bas d'en parler avec nos potes. Mais franchement, Chen Jia, c'est une des meilleures paires de l'histoire de ce tableau. Il n'y a pas trop de doute. Il manquait ce titre mondial. Et je pense qu'on en reparlera aussi dans un autre tableau de double. Mais il y avait un peu cet aspect de quête finale. Et, d'anomalie réparée. Bah ouais, je vois pas qui aurait pu les empêcher, franchement. Non, moi non plus. Bah franchement, elles ont pas lâché beaucoup de sets cette semaine. Elles ont dû en perdre 15, si je me trompe pas. En demi, ouais. Ouais, en demi, c'est ça. Et franchement, c'est dans la lignée de ce qu'elles ont proposé. Parce que elles aussi, franchement, je parlais de Tantina, mais à part les Stoeva qui sont un peu en dessous, elles ont joué du costaud, tu vois. Cette semaine, et franchement, ça montre qu'elles sont vraiment au-dessus de tout le monde largement. Et je pense que c'est assez logique ce qu'on a vu en finale contre les Chinoises. Les autres Chinoises, elles ont tout en fait. Elles savent gérer les moments chauds. Elles ont parfois des trous d'air mais qui sont corrigés. Enfin, elles savent attendre, elles savent attaquer beaucoup. Franchement, j'ai rien à redire. Donc voilà, victoire de Chen Jia contre Lutan. Qui c'est qui avait le podium avec les trois dans l'ordre? C'est Bibi. Je le dis encore puisque c'est le seul tableau où j'ai pu faire ça. Je l'avais pas moi. Ah, parce que je trouve que. Je suis pas sûr. Honnêtement, je pense que j'étais le seul à avoir Lyutan en finale parce que je me souviens qu'on m'avait dit oui, mais elles sont pas expérimentées, etc. Je sais plus qui me l'avait dit dans le podcast. Okay, je suis désolé. Mais Benoît, bon, la Chine qui reprend ce titre de double dame qui leur avait échappé lors des deux dernières éditions, c'est une anomalie hein, puisqu'elle l'avait eu de 96 à 2012 sans 5 éditions d'affilée. Troisième finale entre chinoises de l'histoire du double dame. En 2000 à Sydney, c'était 3 paires chinoises aux 3 premières marches. Depuis, ils ont fait la règle de 2 paires maximum. Vous comprendrez peut-être pourquoi. Côté Japon, troisième médaille de l'histoire dans le double dame. Après celle en argent en 2012, en or en 2016, c'est le bronze en 2024. Et Benoît, on a parlé de Chen Jia. Un mot sur Liu Tan. C'est toujours difficile avec les jeunes chinois et chinoises de tracer des plans de carrière parce que ça va pas toujours là où on veut, où on pense en tout cas. Mais il y a quand même, même si c'est pas forcément du double dame qui fait lever les foules, si elles prennent l'or dans 4 ans à Los Angeles, je serais pas le premier choqué. Ouais, pareil, Liu Tan, elles ont pris rendez-vous avec l'avenir en fait. Ouais, c'est clair. Pour moi, en fait, je sais pas ce qui va se passer avec Chen Jia aussi. Hein. Il peut se passer des choses. Ils sont pas si vieilles. On est sur une ouais, non, mais on est sur une nouvelle génération aussi qui décide d'avoir des plans autres que le bad. On en reparlera dans d'autres tableaux, mais du coup, ça fait que, en tout cas, Liu Tan, pour moi, il y a pas de monde où la Chine les met au placard aujourd'hui. La Chine a réussi. C'est pas le cas dans tous les tableaux à avoir deux paires installées dans le top 3 mondial ou quasi. Et pour moi, s'il ne se passe pas grand-chose dans 4 ans à Los Angeles, c'est potentiellement ces deux paires-là qu'on retrouvera. Voilà, pour vous donner un peu de contexte, si vous ne l'avez pas, Chen Jia, c'est toutes les deux des 97, donc elles ont 27 ans, alors que Liu Tan, c'est une 2003, une 2004. Hein, donc elles ont 20 et 21 ans. Être en finale des Jeux avec un parcours comme ça à 20 et 21 ans, ça laisse rêveur sur ce qui va se passer quand elles auront un peu plus d'expérience. Voilà, Benoît, quelque chose à rajouter sur ce tableau de double dame? Non, j'ai hâte de parler des suivants. Moi aussi, on va tout de suite se pencher sur le double homme. Dieu dit Adam. On va rester sur la Chine, tiens, avec Liang Wang. Ils étaient tête de série 1. Et là, pour le coup, peu de suspense. Je pense qu'on va aller encore plus vite sur les tableaux de double homme en poule parce que c'était souvent avec le schéma deux paires favorites. En l'occurrence, là, c'était eux et Chia et So. Malheureusement pour Lane Wendy, j'ai envie de dire, hein, parce que pour le coup, les Anglais, ils ont tout tenté. Ils ont pris le premier set contre Chia So 21-19 avant de perdre 16 et 11. Et ils ont refait le coup à Liang Wang en prenant le deuxième set avant de perdre le troisième 21-14. Dans le match décisif pour la première place, c'est Liang Wang qui ont porté 24-22, 21-14 contre Chia et So, tandis que les Canadiens Dong Yakura ont pris un peu tarif contre tout le monde. Benoît, Lane Wendy, un peu, j'ai envie de dire, sur ce assez symbolique de leur carrière, cette perf au jeu, jamais vraiment loin, mais pas de grosses victoires à leur actif. Ouais, bah c'est un bon résumé. Après, franchement, je sais qu'on va me tomber dessus pour avoir dit ça, mais je trouve que deux fois au JO, ils prennent les poules de la mort, ou quasi, en tout cas des poules très difficiles, parce que c'était peut-être pas la poule de la mort. Ils sont pas ridicules, mais il en manque un peu pour gagner des matchs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a beau, en tout cas, un peu rigoler d'eux ici, pour des raisons pas que sportives. Des raisons capillaires aussi, des fois. Oui, voilà, aussi, entre autres, hein, au hasard. Il y a beaucoup de raisons. Oui, il y en a quelques-unes qu'on pourrait citer, mais je pense que pour les gens qui étaient dans la salle, quand t'as Lane Wendy en vrai et que t'as une paire anglo-saxonne qui accroche des paires asiatiques, c'est toujours très sympa. Et surtout que Lane Wendy ont vraiment... je trouve qu'ils avaient, ils sont arrivés au jeu dans les meilleures conditions. Contrairement à il y a 3 ans pour le coup, mais voilà. Non mais c'est vrai, franchement là ils sont beaucoup mieux dans leur carrière que ce qu'ils étaient il y a 3 ans. Je parle, ils sont plus installés. Effectivement, par contre, ils ont du mal à passer ce step et je sais pas s'ils le passeront un jour. Step de taper les grosses paires quand on a l'occasion. Ouais. Voilà, Benoît, tu veux dire un mot du match pour la première place remporté assez facilement par les Chinois? J'avoue que celui-là, je l'ai vu aussi, et quand on a dans la salle et quand on a vu que les Malaisiens prenaient pas le premier, on a tous compris ce qui allait se passer dans le deuxième et qu'ils avaient déjà la tête au quart de finale. Pas de surprise, on peut tout de suite passer à la poule C. Voilà, il y a la poule B d'abord, Benoît. Je crois que tu... Ah merde, Ouais, sans faire exprès, tu l'as oublié, c'est dommage. Ouais, pardon. Heureusement que je suis là pour te le rappeler. La poule de Christo et Thomas Junior Popov, qui était d'abord opposé à Jomko Kedren, qui était là aussi un peu comme Lambertran en fait. C'était d'ailleurs aussi contre des Thaïlandais. C'était le match de la qualif direct, puisque c'est sûrement là qu'allait jouer la deuxième place, même si... certains dans les pronos ont dit qu'ils n'allaient pas battre les Tchèques. Perdu par Christo et Tommy, 21-14, 21-19. Benoît, sans mauvaise volonté, je ne sais pas quoi dire de nouveau sur les matchs des Popov, qui sont jamais nuls, mais qui se font toujours manger, toujours dans le jeu de double homme, quoi. Dès que ça joue beaucoup à plat, que ça s'accélère, bah ils sont un peu largués, surtout contre une paire qui est loin d'être ridicule comme Jomko Kedren. Et j'ai pas grand chose de nouveau à ajouter sur ce match de poule qui avait déjà des airs de huitième. Attends, faut que tu m'expliques, parce que comment ça se passe quand il y a deux joueurs de simple qui jouent une paire de double? C'est quoi, ils jouent chacun un set? Comment ça fonctionne? Non, c'est comme au tennis de table, ils tapent un coup chacun. Ok, d'accord, très bien. Et le H là que je vois sur leur page, c'est lié à quoi? Ils étaient tête de série, c'est quoi? Ah là là, si seulement ils étaient tête de série. N'empêche que, d'ailleurs, j'y ai pensé quand je pense en pensant au tennis de... On a vu quand même cette semaine que au tennis de table ou au tennis, quand t'as des mecs chauds en simple, tu peux faire une bonne paire de doubles. Et je trouve ça bien. Qu'au badminton, on sent encore, ça résiste, tu vois, et que je pense que tu fous Axelsen et Shiyushi à deux sur un terrain, bah, ça te fait pas une bonne paire de doubles, et ça, je pense qu'on peut s'en satisfaire, mon Benoît. Ouais, mais le problème, c'est que, Ewan, t'as regardé Malang et Ewan Chushin. Bah oui, mais bon. C'est un problème, c'est que si t'avais regardé Lindan et Li Chongwei, évidemment que ça faisait une bonne paire de doubles. Ouais, mais pas une paire capable de mettre les meilleures paires de doubles. Ouais. Je suis d'accord et je suis assez content de ça. Et en vrai, sans faire offense aux Popov, qui ont franchement pas été ridicules, qui ont gagné un match, ce que je ne croyais pas ou ce que je croyais peu, ils ont fait honneur à leur présence au jeu. Maintenant, c'est encore une fois, ça montre, je vais pas dire cette incapacité parce qu'ils sont pas ridicules, encore une fois, c'est important de le dire, mais ce truc de c'est pas du tout le même jeu, c'est pas du tout le même profil de joueur, c'est pas du tout les mêmes entraînements. En fait, c'est tellement différent. Moi je serais curieux de voir si un joueur soit d'un tableau soit de l'autre est capable de performer dans l'un ou dans l'autre, mais aujourd'hui en tout cas j'ai pas vu un joueur capable d'être top 20 mondial sur deux tableaux de simple et de double. D'ailleurs Benoît, ils ont perdu 17 et 15 contre Kang Seo avant de, pour l'honneur, battre Kral Mendrek, les Tchèques, 21-18, 21-19. Et on espère fort, même si on s'est bien marré au début et qu'ils ont fait quelques bons matchs, on espère fort que cette victoire contre Kral Mendrek, c'était aussi la dernière fois qu'on voyait les Popov jouer ensemble sur le circuit. En tout cas, pas avant qu'ils soient vieux et qu'ils jouent juste pour se marrer, quoi. Bah oui, quand on voit les perfs de Tommy, on en a assez parlé, je pense, dans l'épisode des simples, et les perfs de Christo qui n'étaient pas au jeu. Alors oui, ça leur sert d'un côté, mais je pense que dans la répétition des efforts, on aura beau m'expliquer ce qu'on veut, je n'y crois pas une seconde. Voilà, maintenant ils ont fait les jeux à domicile, ils se sont fait kiffer. Ils ont Christo comme Tommy, maintenant ils rentrent tous les deux sur les gros tournois, donc il n'y a plus besoin. Voilà, on espère que c'est terminado. Et Kang Seo, les champions du monde, ils ont fait le boulot pour le coup, victoire en 2-7 contre Kral Mendrek, contre les Popov et contre Jomko Kedren, 21-16, 21-15. Moving on, la poule C, autre paire française. Déjà, on peut commencer par dire que Lamsus Zeidel, on se demandait dans quel état allait arriver le pauvre Marc Lamsus, parce que le mec, il a des problèmes au genou à répétition, ce qui l'a notamment privé d'une qualif en mixte. Qualifié en double homme, ils ont perdu 13 et 17 avec Zeidel contre Alfian Ardianto, les Indonésiens, avant de déclarer forfait. Et du coup, quand une paire déclare forfait, même le match qu'ils ont déjà joué ne compte plus. Donc, on s'est retrouvé un peu dans une poule de 3 avec les Français et deux paires assez monstrueuses, surtout des Français qui sont arrivés dans les conditions qu'on connaît. Si vous ne les connaissez pas, je vous renvoie vers notre preview du double homme et notre épisode sur la BWF qui a forcé sur la picole. en l'occurrence, Ils ont perdu sans être ridicules, je dois dire, même si les scores peuvent être un peu sévères. 17 et 14 contre Ranky Redicetti, 13 et 10 contre Alfian Argento. Benoît, même avec une préparation normale, on n'aurait pas espéré qu'ils sortent d'une poule comme ça, parce qu'ils sortent, ce qui est logique en double homme, avec un tableau aussi resserré, mais ils tombent contre deux paires très très très très fortes. Ils sont au final pas ridicules, ils nous sortent des petits highlights un peu dans les deux matchs. Ils ont tenu la dragée haute à Ranky Redicetti sur un set. Est-ce que c'est pas le maximum de ce qu'on pouvait espérer, notamment pour la fin de carrière de Ronan Labarre ? Si, très clairement. Moi, je suis content qu'ils aient participé au jeu. D'ailleurs, j'espère qu'on aura l'occasion de réinviter Ronan Labarre pour parler un peu de toute sa carrière et des jeux. Désolé Marc Lamsus, mais entre Ronan Labarre, Tight Swing et Carolina Marin, on aura autre chose à faire que parler de ta fin de carrière. Pas encore officiel, mais ça ne saurait tarder, je pense. Voilà, et franchement, dans cette poule, si j'avais pu faire un seul sortant, crois-moi que je l'aurais fait. Ouh, t'es dur avec Alfian Argento, mais en même temps, ils ont même pas essayé, j'ai envie de dire, contre Ranky Redicetti. 21-13, 21-13. Eux aussi, ils avaient les quarts déjà dans la tête. Ouais. C'est un projet ambitieux quand tu joues à leur niveau de jeu depuis 6 mois, mais ok. C'est clair. Et même si, quand tu vois le niveau de jeu après de Ranky Redicetti, tu te dis, est-ce que les Indos auraient pas dû jouer un peu plus le coup? Parce que bon, voilà. C'est pas qu'ils ont refusé de jouer, mais franchement, ce match, tu vas pas me dire qu'ils sont pas capables de faire mieux que 13 et 13 contre Ranky Redicetti. On parle quand même d'Alfian Argento, quoi. On parle pas des joueurs R6. C'est une des plus grosses purges annoncées, je pense, des matchs entre favoris. Hein. C'est clair. Voilà. Bon, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire cette poule D, la poule de la mort, où il y avait 4 paires prétendants à la sortie de poule et même potentiellement à des médailles. Pour le coup, grand expert du double dame, j'ai totalement vu, je me suis trompé sur le double homme, je voyais Oki Kobayashi médaillé, je crois que j'avais dit. Bien vu, mon champion. Ou alors quatrième, en tout cas demi-finaliste, ils sont passés à côté. Et je t'ai rayonné quand tu as dit que Li Wang allait sortir premier. Non, t'avais dit deuxième de la poule, je crois. Non, j'avais premier ou deuxième, je sais plus trop. Mais... Ok. Donc, Li Wang qui ont battu Oki Kobayashi 16 et 10. Puis Astrup Rasmussen 21-15, 19-21, 21-15. Chu Yuan, les Américains que tout le monde a plus ou moins battu en 2-7 assez facilement, 21-12, 21-13. Puis enfin Liu Hu, le match le plus chaud, de façon assez surprenante, 17-21, 21-17, 24-22. Benoît, un mot sur ces 4 matchs de poule de Li Wang dont on va évidemment reparler après. Ouais, ce qu'on a compris très vite, c'est que c'était plus les mêmes types qu'on voyait depuis septembre 2021. C'était plus les types qu'on voyait en août 2021. Je vois ce à quoi tu fais référence. Ouais, tu vois bien. Je pense qu'il y en a 2-3 qui n'avaient pas imaginé. Hein. Type, non, effectivement. Type Kobayashi, Astrup Rasmussen et Liu. Effectivement, la paire favorite sur le papier de cette poule, c'était Astrup Rasmussen, puisqu'ils sont arrivés dans ce tournoi numéro 2 mondiaux, et donc tête de série 2. Ils ont facilement battu les Américains, et ils se sont mis tout seuls dans la sauce en perdant contre les Taïwanais, même si les Taïwanais font un très très bon match encore une fois. Ce qui fait qu'ils étaient dos au mur et obligés de gagner les deux derniers. Gros match de leur part contre Liu Hu, 21-15, 21-13, et très très clutch également. 21-19, 22-20. Benoît, putain, Astrup Rasmussen, ils sont trop forts sur les fins de match. Je vois pas trop ce qui peut leur arriver dans ce tournoi. Ouais, ok. Encore une fois, on en reparlera. Si vous avez vu les résultats, vous savez de quoi je parle. Il y avait des Américains dans cette poule aussi, ouais. Oui, non, effectivement. Après, je pense qu'ils étaient déjà focus Los Angeles 2028, tu vois. Donc, okay. Je crois qu'ils vont se mettre au lacrosse ou au baseball. Benoît, juste, est-ce que, j'ai pas envie de dire un pétard mouillé, mais cette poule de la mort, est-ce qu'elle nous a pas un peu déçus quand même? Est-ce qu'on s'attendait pas à mieux? Je peux pas m'empêcher d'être un peu déçu, alors surtout de Oki Kobayashi, Liu Hu, plus ou moins au niveau auquel je m'attendais, mais en termes de qualité de match, j'aurais espéré un peu mieux quand même. Ouais, en fait c'est ça, c'est pas au niveau du scénario, parce que le scénario a été fou, c'est plus au niveau de la qualité de match, et là je suis d'accord avec toi, maintenant... Liu Hu, honnêtement, moi je m'étais dit dans un grand événement, les Chinois sont capables de tout. Je me suis un peu trompé là-dessus, même globalement trompé là-dessus. Au Après, si Kobayashi... ça peut te rassurer, ils seront bientôt plus chinois, Benoît. La déchéance de nationalité arrive fort, je pense. Oh ben, oui, je pense que si vous les voyez chercher un poste sur LinkedIn, comme Wang Shuxin, notre ami joueur de ping-pong, là, l'autre sport de raquette, c'est possible qu'on les voit plus trop. Mais Liu, ce sera largement mérité au vu de ce qu'ils ont proposé depuis des mois. Et moi, je les aurais pas amenés au jeu, mais je vous invite à écouter un autre épisode pour ça. Ou les 5 épisodes où tu l'as dit. Bah, franchement, on peut se dire que la Chine n'imaginait pas ça en les amenant à eux. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au niveau de la qualité de jeu, je suis un peu déçu. Et Oki Kobayashi, c'est aussi lié au, je trouve, aux conditions de la salle relativement lentes, dans une très clair. Grande salle. Et c'est pas des joueurs déjà très puissants, c'est des joueurs qui ont besoin de, bah de, d'une salle qui va vite. Li Wang, ils ont une puissance qui permet, un peu comme Tommy, même dans une salle lente, il y a toujours une lourdeur de ce match qui est là. Oki Kobayashi, c'est quand même très différent et je pense que ça les a pas aidés. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur les conditions de jeu. Beaucoup de joueurs et de joueuses l'ont dit, mais je suis pas sûr que nous on l'ait mentionné quand on parlait des simples. Mais je pense que ça a encore plus d'impact en double pour le coup. Et c'est vrai que Oki Kobayashi, on a vite vu que ils ne seraient pas à leur avantage dans des conditions telles que celle-ci, c'est clair. On passe au quart de finale. Aimez-vous le badminton ? Ah non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Quart de finale, Benoît, on a envoyé des balles des rafales à Alfian Argento. Très loin d'être ridicule contre Liang Wang, alors que perso, moi par exemple, je leur promettais l'enfer. 24-22-20. Alors que, voilà, est-ce que tu veux en dire un mot rapide ? C'est même pas payé, je trouve. Ils ont fait vraiment un super match. Très frustrant pour eux et un peu pour moi, spectateur assez neutre là-dedans, que ça se termine en 2-7 quand même. J'aurais bien aimé un petit troisième. Même si je trouve, pour finir sur ce match, que la victoire des Chinois est pas illogique. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Maintenant, perdre en quart de finale en n'étant pas ridicule, ça fait pas une médaille. Et très honnêtement, la façon dont ils ont abordé leur dernier match de poule contre Ankiri Lichetti leur a coûté cher et j'espère bien que ça leur a coûté cher. En vrai, Benoît, c'est une dinguerie, je trouve, que à chaque fois on dit « Ah, le double homme, c'est le tableau de l'Indonésie ». La dernière médaille indonésienne au jeu, c'était en 2008. C'est quand même une dinguerie, tu trouves pas, qu'en double homme, la dernière médaille indonésienne au jeu, c'était en 2008, la victoire de Setiawan Kido. Depuis, il y a eu 4 éditions, 12 médailles données, aucune pour l'Indonésie. C'est quand même complètement fou, je trouve, dans un tableau qu'ils ont historiquement maîtrisé, voire dominé. De toute façon, ces jeux, on aura peut-être le temps de faire un bilan par pays, mais pour l'Indonésie, c'est quand même un échec. Je pense que c'est pas sur le simple dame qui misait pour rapporter une médaille. Bon, c'est un échec cuisant. Maintenant, je trouve que il y a eu un peu des arbres qui ont caché la forêt à San Setiawan. Et même, en fait, enfin, je sais pas si c'est des arbres qui ont caché la forêt parce que je trouve ça dur. C'est juste qu'ils ont eu du mal à capitaliser, mais il y a des médailles mondiales. Les Minions, ils ont ultra dominé sur le circuit. Ils ont eu du mal à capitaliser dans les grands événements, ça c'est un fait, mais en tout cas, ils ont été les meilleurs du monde, je pense. Alfian Argento, très clairement, c'est l'échec cuisant d'un travail post-génération doré, en fait. C'est plus c'est ça. Clair. Parce qu'ils n'ont pas le niveau, ils ont 2 médailles mondiales de bronze, je crois, de mémoire, ou 2 ou 1 ou 2. Je sais plus, bref. Mais en tout cas, je trouve que. Il y a des paires où on les voyait aller loin dans des grands championnats. Alfian Argento, c'est pas le cas. Non, effectivement. Et puis, en vrai, là, une défaite en quart de finale sans être ridicule pour les Indonésiens. C'est leur place. Avant le tournoi, on n'aurait pas imaginé autre chose, hein, franchement. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est même déjà pas mal parce qu'effectivement, là, ils n'arrivaient pas comme les Minions arrivaient à Tokyo. C'est-à-dire favori à une médaille d'or. De l'autre côté, une des paires les plus impressionnantes des poules face à une des, a priori, la plus faible, parce que, Benoît, il faut le dire que, pour le coup, en double homme, pas de surprise, on a eu les 8 paires qu'on attendait. Jomko Kedren sorti de manière assez sèche par Li Wang, 14 et 17. Là aussi, enfin, ultra logique au vu des rapports de force, pour le coup. Oui, moi, je le craignais un peu, parce que Li Wang sont très motivé par des grosses paires et l'enjeu de taper des grosses paires. Mais c'est là que j'ai compris que Li Wang, ils étaient juste motivés par un deuxième titre olympique. Ouais, après, si t'es pas assez motivé en quart de finale des Jeux, je pense que faut aller chez le psy. Mais tu vas remonter deux lignes au-dessus, on va en parler, vas-y. Ok, Kang Seo ou alors Tiasso, tu veux partir sur quoi, Benoît? Je t'écoute. Je pense que les moins motivés, c'était Rankeri Dichetti, donc on va en parler si tu veux. Défait par Tiasso, pourtant tout avait bien commencé, 21-13, derrière il perd 21-14, 21-16, un match bon, qui est quand même un classique qu'on a vu mille fois, l'affrontement en ces deux paires. Je crois que les Malaisiens avaient l'avantage au début, mais ces derniers temps ça tournait plus en faveur des Indiens. Indiens que je sais que David, moi et je crois une troisième personne dans les pronostics mettaient champion olympique. Et ben il va falloir du travail, j'allais dire pour Mathias Beu, mais apparemment il est plus leur coach, donc le remplaçant va avoir du boulot. Franchement, moi je te cache pas que c'est qu'une demi-surprise, parce que je crois que je les avais annoncés en bronze, mais je sentais qu'à un moment donné, Rankeri Dichetti allait de choc. Je pensais que ce serait plus tard, mais effectivement, je les avais pas mis en finale. J'avais pas Liang Wang non plus champion, Li Wang pardon, champion olympique, mais j'avais Li Wang justement. Liang Wang, pardon, je vais y arriver. Honnêtement, je suis surpris qu'ils aient de choc aussitôt. Maintenant, je crois qu'il y avait 8-3 ou 7-3 dans les confrontations avant. Je sais jamais parce que mes notes sont pas claires. Mais en tout cas, j'avais noté ça. Mais du coup, c'est peu une surprise. La grosse surprise, c'est surtout l'extinction des feux dans ce deuxième et dans ce troisième set, même si Chiasso et sont repassés un peu en mode champion du monde et ont clairement produit le même jeu que... Enfin, en tout cas, je trouve qu'ils sont redevenus ultra solides avec un saut quasiment injouable, ce qu'on voit quand même très peu. Ah, je suis content que tu le dises, j'allais justement rebondir là-dessus parce que bah ouais. Même on pourra, même sur les deux matchs qu'ils jouent après, oui. Sohui qui fait un pur tournoi, je trouve que... Aaron Chia a simplifié son jeu et c'est pas forcément plus mal, mais Sohui qu'il est plus costaud mentalement, même si ça reste pas l'assurance touriste, on va en reparler, plus costaud mentalement, et ouais, il fait plus de différence avec son smash, je trouve, qu'avant, et c'est ouais, il a bien progressé en tout cas. Mais est-ce que ça suffit pour toi? Est-ce que Rankeri Dichetti, on parle, enfin on était 3 sur 4, je me mets pas dedans, mais à les annoncer champions olympiques, c'est quand même qu'il y avait des raisons. Ouais, ils ont un plafond beaucoup plus haut que Tiasso, moi, je trouve. Est-ce que c'est suffisant ce qu'ils ont proposé en quart de finale des Jeux? Non. En termes d'adaptation tactique et tout, je suis désolé, je sais pas ce que t'en penses, mais... Pour le coup, on parlait des progrès de Sohui, mais en termes de mecs qui progressent pas, Rankeri, quand même, d'un moment, ça se pose un peu là, je trouve. Ok, c'était la pépite quand il était très jeune, mais il est un peu moins jeune maintenant, et c'est une paire que j'adore, donc j'ai du mal à les critiquer, mais je pense que c'est ma déception des Jeux, honnêtement. Ils m'ont vraiment frustré, j'attendais beaucoup mieux. Tu peux pas marcher sur l'eau, et même pas faire médaille, enfin, ils sont largement top 3 de leur tableau, quoi. Faut pas déconner. Enfin bref, Astrup Rasmussen qui font peut-être une des surprises aussi de ces jeux, même si c'était un match assez compliqué à pronostiquer, je trouve. Victoire 21-19, 22-20 contre Kang Seo. Pour le coup, Benoît, beaucoup de surprises, des Astrup Rasmussen pour le coup giga costaud dans les points qui comptent, et des Kang Seo, des Coréens qui sont plus au niveau de quand ils étaient champions du monde. Et je pense que juste après, on va faire un parallèle avec le mixte. Mais voilà, Seo, on va dire que sa semaine enchantée des Jeux paraît, je ne vais pas dire bien loin, parce qu'il n'est pas non plus au 36e dessous, mais il est un peu rentré dans le rang. Oui, il y a du vrai. En fait, oui, en tout cas, un double homme. Je trouve qu'il est bien au-dessus de son partenaire. En mixte, il y a d'autres sujets, on en discutera, mais il est bien au-dessus de son partenaire. L'accumulation des matchs pose question à un moment donné. On l'avait déjà dit aux Mondiaux, sur une semaine, tu peux faire des miracles, mais on l'a vu tout au long de la saison et tout. Même si tu as des matchs pas forcément difficiles, tu as toujours deux fois plus de matchs que les autres, en fait. Et ça pose question. En fait, ils n'ont pas été ridicules. Et je dirais même que, très honnêtement, Kang a été bien en dessous de ce qu'il est capable de proposer, notamment dans les money time de ce match. Maintenant, ça reste... Bah, je suis désolé, mais moi, quand j'ai vu ce tirage, Kang Seo était favori. Ah oui, oui. Pour moi, pas largement, mais quand non, même mais favori. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, non, non, c'est clair. Ça faisait un partout, les confrontations directes dans ce dans cet affrontement. Remake de la dernière finale des mondiaux que les Coréens avaient gagné pour le coup. Et ouais, je suis assez déçu de Kang Seo. Je sais pas, Benoît, est-ce que tu vois Seo continuer sur deux tableaux ou pas? C'est une bonne question. On se posait aussi la question, je me souviens, dans une libre antenne, est-ce que la Corée peut se le permettre? Aujourd'hui, elle a sanctionné Choi, donc son ancien partenaire, qui pouvait être une, je pense, très bonne alternative sur deux tableaux. En fait, est-ce qu'elle peut se le permettre? C'est la vraie question à laquelle il faut répondre, je pense. Je sais pas. Non, on en reparlera pour le mix, mais de toute façon, ça va changer un peu côté CO. Oui. Les demi-finales. Là, pour le coup, à partir de là, on n'a eu plus que des matchs en 3-7 pour le double homme, donc histoire de régaler un petit peu. Liang Wang contre Chiasso. Alors malheureusement, le tableau fait qu'on a eu des remakes de ce qui c'était des matchs qu'on avait déjà eu en poule, avec la même issue en plus. Liang Wang qui ont à nouveau battu Chiasso, qui cette fois leur ont pris un set. Le deuxième, 21-19 pour les Chinois, 15-21 et 21-17 pour Liang Wang. De l'autre côté, Astrup Rasmussen ont pris le premier à Li Wang avant de subir une extinction des feux assez brutale au milieu du deuxième, 21-17 puis 21-10. Benoît, là pour le coup, comme en poule, en fait, les deux meilleurs ont gagné. C'était plus serré que ce qu'on a vu en poule, mais assez logique, et c'est ça qui est. C'est ça qui est fort, j'allais dire en double homme, mais c'est le cas assez souvent, c'est que même quand Liang Wang, ou là pour le coup Li Wang, était mis en danger, on a vu qu'ils restaient, ils avaient quand même une marge assez suffisante pour le coup, sur leurs adversaires du jour. Ouais, je suis assez d'accord avec cette analyse. En fait, le score est, je vais pas dire trompeur, mais presque, je crois que ils les menaient, enfin ils avaient gagné que deux fois Chiasso en 10 confrontations ou 9. Et très honnêtement, je pensais même pas qu'on aurait un match aussi serré. Mais enfin, c'est dur à juger parce que ce 21-17, il est pas immérité à la fois, mais tu sens que il y a quand même un contrôle général de Liang Wang, je trouve, dans les échanges qui ont duré un peu. Et en fait, enfin, il y a pas vraiment de moment où j'ai vu une opportunité pour Chiasso. Même s'ils ont joué à vraiment un très très bon niveau. C'est clair, mais pour le coup, c'est pas, je veux pas faire de reproche à Chiasso, parce que tu l'as dit, ils ont bien joué, mais les Chinois, ils ont un tel contrôle sur le match que limite, des fois, on a l'impression que c'est des adultes qui jouent avec des enfants, tu vois ce que je veux dire? Pas dans le, vraiment dans le jeu, mais plus dans le contrôle. Les Chinois, ils savent accélérer quand il faut et ils savent un peu faire barrage quand il faut aussi, quoi. Donc c'est assez, ouais, et pareil, Astrup Rasmussen, ils ont commencé fort, et Li Wang ont commencé pas mauvais, mais ils ont commencé en mode normal. Par contre, le niveau des deux sets d'après, Benoît, il n'y avait plus rien de normal chez les Taïwanais. Il n'y avait plus rien de normal, ça rappelait des mauvais souvenirs à d'autres d'il y a 3 ans. Très honnêtement, on en parlait, mais ce troisième set, franchement, il y a eu 21-10, mais si vous avez l'occasion de vous faire des petits replays, je pense que on a rarement vu tel masterclass. Et en plus, Astrup Rasmussen n'ont pas été mauvais, mais juste, pour ceux qui ont regardé, on en parlait tous les deux, Ewan, mais le France-Italie en volée, franchement, on se rapproche un peu de ça. C'est que tu touches plus terre et puis bah, juste tu regardes les mecs en face et tu t'applaudis, quoi. C'est ça. T'as quelqu'un qui est un peu au sommet de son art et toi, tu fais ce que tu peux. Ouais, c'est ça. T'essayes de rester digne. Benoît, deux gros matchs pour finir ce tableau de double homme. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, il y avait le match des enfants, un peu pour les anciens, le challenge orange de la mi-temps en Ligue 1, où c'est les gamins qui vont essayer de faire des duels, tu vois. Oh, le tueur. Chiasso contre Astrup Rasmussen, le jeu de celui qui craquera mentalement le dernier. Bah, ce jeu-là, c'est les Malaisiens qui ont gagné. Ils étaient pourtant dans une énorme sauce, totalement dominée par des Danois qui, pas marchaient sur l'eau, mais étaient franchement excellents. Oui. Les Danois qui prennent le premier 21-16 et qui mènent 20-16, Benoît, je crois, dans le deuxième. Avant de s'écrouler et de prendre 6 points d'affilée. Merci Kim Astrup qui, pour ceux qui ne sont pas sur Discord, je venais d'écrire « Oh, il a progressé mentalement Kim Astrup, le mec il s'est mis à sortir des saucisses, j'étais en mode « Mais c'est pas possible, tu me fais vraiment passer pour un tocard Kim ». Du coup, ils perdent le deuxième set 22-20, Le troisième, c'est ce que je disais en fait, c'est que les deux paires, les Malaisiens ont commencé tambour battant, puis les Danois ont réussi à revenir en mode haha, c'est vous qui allez craquer finalement, mais ils ont été un peu courts. Et j'allais dire, c'est même pas, je sais pas si les Malaisiens gagnent logiquement, parce que ce match, t'as l'impression que c'était une médaille, mais personne n'avait envie de l'avoir. Franchement, Benoît, c'était assez bien à voir d'un point de vue neutre, mais franchement, quand t'es Malaisien ou Danois, tu dois vraiment te ronger les ongles modèle géant, quoi. Ouais, après, je trouve qu'on le dit pas assez, Ewan, mais on a vu des demi-finales, des finales et même certains quarts de finale d'un niveau assez exceptionnel. Le niveau de jeu est, même dans cette petite finale, on a vu d'autres petites finales éclater au sol. C'était clairement pas le cas de celle-là. C'était un vrai niveau de jeu. Moi, ce qui m'a brisé le cœur, c'est que Astrup Rasmussen se retombait dans leur travers au pire des moments. Travers qu'on n'avait pas vu depuis genre, 18 mois. En plus, franchement, on en a parlé toute la semaine en mode, depuis ce titre aux Jeux européens, Astrup Rasmussen, ils ont Géchant. C'est plus les mêmes. Et c'est vrai, enfin je suis désolé, mais la gestion de leur match contre Kang Seo notamment, et même en poule, les matchs où il a fallu gagner, ça nous donne un peu raison quand même. Mais au pire des moments, Kima Strup, il est retombé dans ses travers. C'est surtout lui, malheureusement. Moi, ça m'a fait de la peine parce que. Pareil, ils avaient vraiment progressé, et tu voyais que pour le coup. Autant Lizidja, ils s'en foutent de la médaille de bronze, autant Astrup Rasmussen, ils y tenaient vraiment. Et je trouve que ça aurait récompensé leur progrès sur les deux dernières années. Ouais, alors que là, on a le même podium qu'à Tokyo. Et là, on a quasiment le même podium qu'à Tokyo. Donc, tant mieux à Chiasso qui aurait pu d'ailleurs se dire nous, on a déjà une médaille de bronze, on a perdu en demi, on va peut-être pas faire l'effort de revenir. Et franchement, pour le coup, eux, j'allais dire, mentalement, ils sont costauds de revenir, mais après, ils ont failli s'effriter aussi dans le troisième. C'est pour ça que. C'est vraiment genre, personne n'avait envie de gagner ce match en fait. Et le contraste avec la finale où t'as 4 machines pour le coup, et ok, il y a de la pression qui s'installe parce que c'est normal, mais t'as des gens qui sont beaucoup plus en contrôle de leurs émotions et qui ont un niveau plus élevé, tu vois. Mais même niveau mental, t'as une vraie différence, je trouve. Je sais pas si tu veux parler de la finale totalement tout de suite, mais je partage totalement. Je vais te lancer dessus. Victoire de Li Wang. Avant de reparler des deux finalistes, on va juste se concentrer rapidement sur le match. 21-17, 18-21, 21-19. Benoît, moi j'avais l'impression que Li Wang pouvait. J'ai eu longtemps l'impression qu'il pouvait clôturer ça en 2-7. Mais les Chinois ont calé une accélération juste quand il fallait, et j'ai eu très peur pour les Taïwanais dans le troisième, avant que le troisième commence. Et c'est là qu'ils sont monstrueux, Benoît, c'est que le troisième, ils l'ont mené quasiment tout le temps. Les Chinois reviennent un peu, mais j'étais persuadé que les Chinois allaient gagner ce match à peu près tout le temps, mais en fait j'avais oublié ce que t'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes Li Wang que ceux qu'on a vus depuis 3 ans. Ouais, c'est ça qui est dur à analyser, c'est qu'il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que en fait, faut pas juger ce qu'on a vu depuis 3 ans, faut juger ce qu'on a vu il y a 3 ans. Et en fait, je sais pas, je suis curieux aussi d'avoir ton avis là-dessus, mais je trouve qu'on a vu, pour ceux qui ont vu les dernières finales olympiques, une des meilleures finales olympiques, à minima en double homme, mais peut-être beaucoup de tableaux confondus, parce qu'on a eu le niveau de jeu, on a eu la gestion des émotions, dont t'as parlé sur la petite finale qui n'était pas le cas. En fait, il y avait tout pour moi. Il y avait la dramaturgie, le niveau de jeu, l'ambiance aussi. J'ai pas même pas envie de parler de ce qui s'est passé en tribune niveau extra-sportif pendant cette finale, mais très honnêtement, en tant que fan de BAD, et je pense que même en tant que non-fan de BAD, on a vu ce qu'on pouvait voir de mieux dans une finale olympique. Et je sais pas ce que t'en penses aussi, mais Li Wang, en fait, il y a une capacité d'adaptation et une justesse dans l'adaptation de, je sais pas, tout était parfait, je trouve. Et pourtant, Liang Wang, ils peuvent pas faire mieux. Non, c'est clair, ils peuvent pas beaucoup faire mieux. Là où beaucoup ont du mal à mettre les points. Enfin là, c'était un festival d'attaques, c'est pour ça que c'était un match très très spectaculaire. Là où certains ont du mal à finir les points, mine de rien, Li Wang, eux, n'ont aucun problème, même si les Chinois ont défendu comme des fous, hein, franchement. Ouais, non, franchement, c'était un excellent match. Je sais pas trop quoi en dire. Il est difficile à analyser, je trouve. C'est peut-être moi aussi qui suis limité là-dessus, mais j'ai du mal à dire vraiment. Il y avait vraiment pas grand-chose qui séparait les deux paires, alors que pourtant les deux ont un style de jeu totalement différent. Mais ouais, c'était franchement. Si un jour ils sortent le replay ou si vous pouvez l'avoir sur votre diffuseur et que vous avez raté le match, c'est évidemment conseillé d'aller voir ça. Et Benoît, Liwang, je sais pas ce que tu veux rajouter, mais une stat que j'ai dû aller vérifier parce que j'en étais vraiment pas sûr, que Liwang n'a gagné qu'un seul titre depuis leur titre. J'ai dit deux fois titre, c'est un peu moche. Un seul tournoi depuis leur titre olympique il y a 3 ans, c'était ce Japan Open il y a 1 an, à l'été 2023, où ils avaient retrouvé un niveau quasi semblable à ce qu'ils avaient là, qui avait redisparu par la suite. Et Benoît, je me dis, t'imagines le 21 Shuttle de 2000, je sais pas, de 2040, qui va regarder un peu comme on fait des fois des pages Wikipédia des années d'avant, qui va se dire, tiens, mais c'est quoi cette paire qui a été double championne olympique, et entre les deux, je vais aller voir ce qu'ils ont fait. Bah rien. C'est là, Benoît, que on se rend compte que le sport, et surtout celui-ci, est très très difficile à analyser. Et aussi, peut-être, je finis juste là-dessus avant de te lancer, que Li Wang se sont peut-être un peu foutus de nous pendant 3 ans à faire genre qu'ils savaient plus jouer au bad. Ouais, après Chiasso aussi font 2 médailles de bronze. C'est rien à voir. En fait, c'est dur parce que, à la fois, quand on a vu leur prime, que ce soit en 2021 ou franchement à Paris, on se dit que c'était vraiment une paire de fous furieux. Et aussi, je trouve que ça rend humble, là, pour le coup, pas nous, mais sur le sport de haut niveau. C'est dur d'être motivé tout le temps, je pense, très honnêtement. Et cette paire nous l'a prouvé, c'est que Li Wang, ils ont réussi à se motiver pour des grands événements, des très grands événements même, j'ai envie de te dire, mais qui a quand même une difficulté à se motiver toute l'année de la même manière que tu te motives pour des jeux. Et je trouve que ça montre aussi ça. Quand on a des joueurs, franchement, c'est pas pour manquer de respect à des joueurs qui ont gagné que dans les grands championnats, mais des Li Chongwei ou des tight swing, pour ne citer qu'eux, mais tu vois, qui ont régné vraiment tout le temps, je trouve que c'est aussi des prouesses d'être capable de se motiver chaque semaine et pas juste une fois tous les 4 ans. Je caricature un peu, mais non, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est voir ses perfs, ça donne du respect pour Li Wang, mais encore plus, je suis d'accord, pour ceux qui... que ce soit pour une finale de jeu ou pour un huitième de finale de, je sais pas, Malaysia Open, arrive à trouver la même motivation. Ouais. Mais Li Wang, bah, exceptionnel, Benoît. Et là, bah oui. le jour où on fera ce qu'on a dit depuis longtemps et qu'on devra s'attaquer aux meilleures paires de l'histoire, souvent ce qu'on regarde quand on fait ça, c'est les titres olympiques. Mais eux, ils vont être inclassables en vrai. C'est ultra difficile. Et Benoît, oui, parce qu'il y a l'affect en plus. Bah, je pense, voilà, qu'on les aime tous les deux. Bah voilà, c'est du bad spectaculaire et qui gagne deux jeux. Enfin, c'est incroyable. C'est une histoire qui est difficile à raconter à quelqu'un qui connaît pas le bad. Hein. Ouais, et d'ailleurs, Benoît, tu me le disais tout à l'heure, Li Yang, qui avait annoncé sa retraite avant même les jeux, et ben il va partir avec une carrière bien remplie sur un titre olympique. Il y a pire pour monsieur Li Yang. Bah ouais, c'est ça. En fait, il l'a annoncé plus ou moins. Il l'avait annoncé plus ou moins sans annoncer ce qu'il ferait après. Le gars, il devient le directeur de la Fédé taïwanaise. Donc, c'est traduit bizarrement, mais j'imagine que c'est un genre de rôle de DTN ou un truc comme ça. Et en plus de ça. À 28 ans. À 28 ans. Et en plus de ça, il est prof. Donc, il va enseigner dans un collège, monsieur Li Yang. Très honnêtement. En fait, on l'a pas dit, mais c'est la seule paire qui a conservé son titre au JO. Personne ne l'a fait. Fuai Feng l'a fait, mais avec deux partenaires différents. En double homme, il y a que qui l'ont fait. C'est historique. Non, c'était le seul tableau où ça n'avait jamais été fait. Voilà. Et c'est maintenant le cas, ouais. Et franchement, on peut imaginer que c'est un tableau où ce sera difficile de le reproduire. C'est clair. Donc, c'est assez fou, et je trouve qu'arrêter sa carrière là-dessus, t'es là en mode, le gars, il est venu en sachant que c'était le dernier tournoi de sa carrière. Il va chercher un doublé olympique. Derrière, il se dit pas je vais continuer, il arrête quand même. Bon courage pour passer après ça. Ouais, et pas sûr qu'on revoie Wang Qilin sur un terrain non plus. Hein. Lui, il a pas communiqué, me semble-t-il. Mais... On a l'annonce de son nouveau partenaire, mais pas sûr qu'on le revoie dans le top 10 mondial, par contre. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Et pas sûr qu'on le revoie tout de suite aussi, parce que après le premier titre olympique, il s'était plutôt tourné vers la chanson. C'est terrible. Mais c'est vrai, en plus, c'est même pas une blague pour le coup. C'est vrai. Et là, combien après un double titre olympique, le mec va jamais redescendre. Et honnêtement, C'est difficile de lui en vouloir. Vivement le feat avec Rihanna. Voilà, exactement. Pareil, Rihanna, une artiste aussi qu'on voit jamais dans le domaine auquel elle devrait être. Bah voilà, elle s'entendrait bien avec Wang Xilin. Et pour Liang Wang, Benoît, un petit mot. Moi, ça pour le coup, un des seuls trucs que j'avais bon, je les avais mis médaille d'argent, mais pas du tout avec les mêmes adversaires en face, évidemment. Pour moi, un peu leur place. Je sais pas ce que tu. Je sais pas. Je trouve qu'en plus c'est marrant parce que. Pendant le match, Gil Clark, pour la finale, elle disait « Ouais, Li Yang, des fois, il est trop nonchalant, il est limite un peu, il sourit trop et on n'a pas l'impression qu'il en veut. » Mais moi, j'ai souvent cette impression sur les Chinois, genre, ils sont évidemment incroyablement forts, mais je trouve qu'il leur manque ce petit truc, tu trouves pas ? Enfin, c'est vraiment un tout petit truc pour le coup, mais un peu ce truc un peu méchant, un peu plus guerrier, tu vois, même si ils perdent à 2 points de la finale des Jeux, donc évidemment qu'ils sont pas loin, tu vois, mais ce tout petit truc quand même. Ouais, je suis d'accord. Après, en fait, c'est sur cette finale olympique, c'était dur parce que Li Yang, il y avait une telle plénitude et une telle genre un sentiment de devoir déjà accompli et une face. Enfin, tu vois, alors que Liang Wang, il y a la pression de tout un pays. Et mais je suis d'accord avec toi sur le fait que peut-être ce petit truc leur a manqué. Moi, j'avais le résultat inverse avec la même finale. Donc Oui. Bah, bon, bien joué à toi quand même, c'est propre. Pas hyper loin du compte, mais je pensais que Liang Wang serait capable en finale olympique de faire le job. Ouais, non, mais c'est clair. Mais en plus, moi, tu vois, j'ai pas l'impression qu'il s'écroule sous la pression. Juste, il leur manque ce petit truc. Voilà, donc effectivement, tu l'as dit, quasiment le même podium qu'il y a 3 ans. C'est assez notable dans un tableau aussi incertain que le double homme. Même médaillé d'or, même médaillé de bronze. Et juste, Liang Wang remplace leur compatriote Li Liu à la médaille d'argent. On va passer au dernier tableau du jour et de ces JO, le double mixte. Look at this, look at that. Allez Benoît, on y est presque. Le double mixte. En plus, on attaque direct avec une poule importante puisque c'est celle où il y avait les numéros 1 mondiaux et les Français. C'est 2 paires différentes. Hein, je précise pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers tournois. Et d'ailleurs, ils s'affrontaient dès le début avec des Français. Donc, je parle bien de Tom Jiquel et Delphine Delrue qui ont été loin d'être ridicules contre Zheng Wang, 21-14, 23-21. Benoît, on voit d'ailleurs que ce set qu'ils prennent pas, malheureusement, va avoir de lourdes conséquences. Mais face à un match qui était quasiment impossible à gagner, moi, j'ai trouvé ça plutôt rassurant. Moi aussi, j'ai trouvé ça plutôt rassurant. Et a posteriori, on en reparlera. C'est la paire qui les a embêtés le plus des JO sur ce match d'ouverture. Mais rassurant, un, pour Tom et Delphine, et de manière générale, on va voir que ce niveau, ils ont été capables de le garder, en fait. Même si parfois, ils n'ont pas été clutch, on en reparlera aussi, mais moi, j'ai été très, très rassuré. Et je trouve que ce match est un peu à l'image de leur JO, je ne sais pas ce que tu en penses, genre, très bon niveau moyen, il en a un peu manqué dans des moments cruciaux. Je suis d'accord avec toi. On en reparlera parce que là, c'est pas le moment de faire des analyses plus détaillées, mais j'ai été très content de leur niveau sur ces JO. Et par contre, je ne m'enflammerai absolument pas parce que c'est absolument pas sûr qu'ils nous ressortent le même dans les tournois à venir. Je pense que c'était un plus. Oui. Faut plus. Enfin, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais pour Tom et Delphine, je pense qu'il faut plus le voir comme un one shot. Tout à fait. D'accord. Benoît, là où c'était pas trop frustrant de perdre contre Zheng Wang, ça a été très frustrant de perdre contre Kim Jae-hong, surtout ce premier set à couteau tiré où les Français ont longtemps mené, ils n'arrivent pas à le prendre malgré des volants de set de mémoire, un volant de set, et tu le perds 22-20, 21-16. Là, je suis. Pour le coup, là, il y a déception parce qu'on savait que c'était un match crucial. D'ailleurs, en le perdant, ils étaient officiellement éliminés et c'est ultra pour le coup là c'est ultra frustrant de pas arriver à avoir ce petit quelque chose en plus surtout à la fin du premier parce que encore une fois je le dis assez souvent mais je suis pas sûr que le deuxième se déroule de la même manière si le premier tourne différemment. Ouais, totalement d'accord avec toi et on le dit après aussi mais s'il y a un set gagné de plus on sait tous les deux que ça change tout hein. Et ben ouais, c'est ça. Tu prends le set que t'as l'occasion de mettre, et ben tu passes en quart des jeux. Et oui. même en perdant le match. C'est ça qui est terrible. Oui. Après, c'est facile derrière, à dire, on le sait après. Mais... C'est très facile, effectivement. Derrière, les Français ont fait le boulot. Ils étaient déjà éliminés, comme je l'ai dit, mais ils ont gros match contre Rivaldi Mentari. Qui est... Alors, on peut se dire, ah oui, bah, en fait, ils comptaient pour rien. Pas du tout, puisque Rivaldi Mentari, ils avaient, entre guillemets, juste à gagner pour passer en quart des Jeux. Mais ah, ils ont été très loin. C'est vrai. Non, mais c'est pour rappeler que autant pour les Français ça comptait pas, autant pour les Indonésiens ça comptait énormément. 21-13, 21-15. Pour le coup, Benoît, excellent match des Français. Comme je le dis, contre une paire qui jouait sa survie, eux-mêmes sans rien. Franchement, ils se sont fait kiffer devant le public. Ils ont réussi à faire monter la pression quand il fallait. Les Indonésiens sont un peu passés à côté, ça c'est sûr et certain. Mais n'empêche que malgré l'élimination, ils finissent sur une très bonne note, Jekyll Delru, et ça fait plaisir pour eux qu'ils se soient fait kiffer devant ce public. Ouais, bah d'ailleurs, je voulais m'excuser auprès de tous nos auditeurs et auditrices depuis des années. Bah non, mais c'est vrai qu'on a tapé sur Chiasso, sur Lane Vendy, et sur d'autres chokers de l'infini et au-delà. Je pense que Rivaldi Mentari seront plus jamais détrônés. C'est clair, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais les mecs avaient quand même tapé Kim Jae-hong dans le match décisif. Ils avaient fait un énorme match en gagnant 22-20, 14-21, 21-19. Donc on pensait qu'ils avaient fait le plus dur dès le premier match quasiment. Après, ils avaient pris 10-3 contre Zheng Guang aussi. Ouais, mais justement, Benoît, ça, j'étais en voyant ce score, ça m'a donné l'impression inverse. J'étais en mode, ah oui, donc là, en fait, ils n'ont pas eu de jouer juste parce qu'ils veulent détruire les Français. Mais en fait, tu gères de quoi? Tu gères zéro pression, frère. T'as vu Christy et Ginting gérer la pression et tu la gères encore moins bien. Voilà ce que tu gères. C'est clair. Heureusement que l'Indonésie a Tun Yong, une joueuse qui, elle, pour le coup, a su gérer la pression parce que sinon, elle sauve le bilan quasiment elle toute seule parce qu'à côté, faut pas trop se pencher dans le détail, sinon c'est très vite triste. Et pas de détails pour Zheng Wang contre Kim Jae-hong, 21-13, 21-14, une affiche pas ouf. Heureusement que c'est pas une finale olympique. Ah merde, attendez, on y revient tout à l'heure. Oh là là. Match, alors, poule un petit peu incertaine, la poule B. On savait chez Oshae favori, pour le coup, ils ont répondu présent. 10-7 contre les Mameri, puis 16-12 contre Tabellin Peak. Et ils ont perdu un set contre Poivaronokroter à Tanachai, mais ils s'imposent malgré tout en 3-7. Le match à regarder avec les Mameri qui paraissaient un peu en dessous de tout le monde dans cette poule, c'était bien... entre Hollandais et Thaïlandais, et ce sont les Hollandais qui l'ont, les Thaïlandais, putain je suis en galère, qui l'ont gagné 21-14, 21-16. Benoît, Poivaronokroter, Atanachai, pour moi qui ont été, je pense pour le coup, fidèles à ce que j'avais annoncé. Ah non, j'avais peut-être dit qu'ils allaient taper Seochai, je me suis peut-être un peu enflammé, mais le match à gagner, c'était surtout celui contre Tabellin Peak, contre qui ils avaient perdu récemment, c'est pour ça que ça mettait un peu d'incertitude. Et pour le coup, ils sont pas du tout passés à côté. On les a vus à un niveau, là non plus, par leur niveau prime, mais un niveau très très correct. Ouais, totalement d'accord avec toi. Et moi, je me suis trompé. Je pensais que Peak Zion ferait mieux. Et en fait, c'est un peu des deux. Je pensais que Peak Zion ferait mieux et pour Tabellin Peak. Toi aussi, t'es fatigué, Benoît. Ouais, j'ai dit quoi? Peak Zion, ouais. Alors que Peak Zion, j'en espère plus rien depuis même avant Tokyo. Hein. C'est clair. Non, j'espère que Tabellin Peak fasse mieux et que Poivaronokroter et Ratanachai fassent moins bien. Ils ont fait moins bien plus tard, mais pas tout de suite en poule. C'était la sortie logique de cette poule, en fait, qui s'est déroulée finalement. Ouais, non, un peu déçu par Tabellin Peak comme toi. J'aurais bien voulu qu'ils aillent les chercher, alors que là, bon, ils ont dès le début, leur tournoi était quasiment fini. Une fois que tu perds contre les Thaïlandais, c'était quasiment mort, quoi. Poule C, sans Danois, puisque pareil, si vous n'avez pas écouté notre preview, Christian Senboyeu disqualifié. Donc on n'avait plus que trois paires. Et on va dire poule assez incertaine, mais qui s'est rendue claire assez rapidement. Et là, il y a un certain auditeur qui, je pense, a pris la sauce sur le Discord et pourrait la prendre encore, puisqu'il nous avait annoncé, je ne le cite pas, que Yeli allait finir médaillé, les Taïwanais. Malheureusement pour eux, ils sont repartis avec les valises pleines, hein, puisqu'ils ont perdu 21-13, 21-13 contre Tang Tse, puis 21-14, 21-13 contre Watanabe et Gashino. Et un peu décevante finalement, Benoît, puisque du coup, cette poule de 3, à partir du moment où les Taïwanais n'étaient pas au niveau, et ben, les deux paires restantes étaient sûres de sortir. Et dans le match pour la première place, Watanabe et Gashino ont un peu galéré pour battre Tang Tse, mais ils s'imposent 21-17, 14-21, 21-18. Benoît, est-ce que avec ces deux matchs, t'as été, surtout le deuxième, t'as été un peu rassuré par Watanabe et Gashino? Si t'étais inquiet déjà, moi je l'étais, mais toi je sais pas. Je l'étais, et en fait j'ai été rassuré et à la fois déçu, parce que Yeli, il nous avait montré parfois qu'ils étaient capables de taper les meilleurs paires mondiales, ou en tout cas de les accrocher. Ce format-là de poule, il est idéal pour ça. Ils ont été ultra décevants, je tiens à le dire. Dans le jeu, dans l'attitude, les gars, vous êtes au jeu, on attend plus de vous, quoi. Et je pense que cette poule aurait pu être folle avec la présence de Christiansen Boye, parce que je suis persuadé que personne n'aurait fini à full victoire, à 3 victoires. Mais j'ai été relativement déçu par cette poule, finalement. Et ouais, en fait, aussi. La logique a été respectée. Ah non, c'est clair. Logique respectée dans la poule D pour l'identité des deux qualifiés, pas forcément pour l'ordre, puisque Chento et Feng Wang se sont qualifiés, mais on attendait les Chinois, en tout cas moi, je les attendais largement au-dessus des Malaisiens, et ils se sont effondrés. Donc les deux paires avaient chacune deux victoires face à Ethan, les Singapouriens, et Chiu Gai, les Américains. Mais les Chinois se sont effondrés dans le dernier match. Ils menaient 21-17, ils prennent le premier set. Derrière, ils perdent 15-21, 16-21. Franchement, Benoît, je me souviens avoir vu ce match et avoir pensé, mais Feng Wang, vous êtes sérieux là? C'est rare de les voir passer à côté de set, surtout après le premier qui était pas excellent, mais qui était quand même plutôt bon, tu vois. Oui, bah, je partage totalement. Et en regardant ça, je me suis fait une idée de JO raté. Franchement, je sais qu'on a eu le débat tous les deux très vite après cette défaite. On s'est dit, s'il y a un tirage catastrophique, tes JO ils sont finis, on va reparler après. Ça a été le cas. Pour moi, t'as perdu tes JO là. Hein. Ouais, dans une poule très facile. Mal. Je suis désolé, j'ai beau avoir le respect que Chento mérite, dans une poule très facile pour eux, je le répète. Ouais, effectivement, il fallait tomber sur un bon tirage. Il n'y en a pas eu. Puisque on va tout de suite te voir dans les quarts de finale. Quand je prends le volant, c'est pas pour jouer au badminton, wesh. Et oui, Benoît, parce que du coup, ce qu'on redoutait un peu, parce que bon, les affrontements entre Chinois, c'est jamais ce qu'on veut voir, surtout dès les quarts de finale, mais du coup, ils sont tombés contre Zheng Wang. Un remake de la finale de Tokyo à un joueur près, et ben, comme quoi, Benoît, à un joueur près, ça fait la différence, puisqu'ils ont perdu 16 et 15, sans jamais vraiment y croire, finalement. T'avais un peu l'impression que... Côté Feng Wang, on avait déjà raté les JO, comme tu l'as dit, un peu dès les poules, et que c'était terminé, quoi. Oui, t'avais cette impression-là, et puis je veux pas tomber dans le cliché, mais très honnêtement, les petits sourires et tout, tu sentais que c'était fini dans leur tête. Ouais. Je pense pas que ce soit utile de rentrer plus dans le débat, mais quand t'as eu ce tirage-là, très honnêtement, tu sais qui tu vas retrouver en demi-finale, je pense. Ouais, surtout, bon, même au-delà du niveau, enfin, il y avait quand même une bonne grosse classe d'écart sur ce match. Ce qui aurait dû s'arriver finalement en finale des derniers jeux, c'était plutôt ce match-là qui était incroyable. Match plus indécis, bon, tiens, on va finir par les matchs indécis, on va d'abord passer sur les autres. C'est Ochae contre Tang Tse, 21-15, 21-10. Est-ce que tu as été déçu par Tang Tse? Moi, oui, beaucoup, parce que pour le coup, je les avais vus jouer contre Watanabe et Gashino, ils avaient montré des belles choses, mais c'était plutôt sur ce quart qu'ils auraient dû sortir le bleu de chauffe, les Hongkongais. Ouais, après, c'est chiant hein, quand tu joues une meuf qui vraiment te fait tout ce qu'elle peut. C'est assez ouf. Je pense que si vous voulez aller voir une des meilleures masterclass d'une fille en double mix sur ces JO, vous pouvez aller voir ce match. Hein. Chae, ça a été terrifiant tout ce qu'elle leur a fait. La pauvre Tse Young Suet, elle a pris une petite leçon. Et d'ailleurs, Benoît, est-ce que Chae aurait pas dû en garder un peu pour le match d'après? On va en reparler. Kim Jae-hong en attendant les autres Coréens. Donc eux qui sont sortis deuxième mais qui ont eu la chance de prendre le plus faible des premiers, je trouve, Chento. Victoire 21-19, 21-14. Benoît, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question, ce que j'en pense, que je suis un peu surpris. Est-ce que c'est une réponse qui te va? Je sais pas, honnêtement j'ai pas vu ce match, j'ai pas spécialement envie d'en parler, donc... franchement... Je vais pas te mentir, mais même s'ils sont sortis premier de poule, t'avais envie de les prendre. C'est clair, t'avais fort envie de les prendre. En plus, quand tu t'appelles Kim Jae-hong, qui peuvent montrer du très bon comme du vraiment pas bon, là, pour le coup, c'était plutôt du très bon. Ouais, Tom et Delphine, c'était leur sortie de poule. On rappelle. Enfin, ah on peut non, faire non, du non, on n'a pas le droit de faire ça. C'est trop cruel. Si, arrête. On peut faire du bad fiction et tout, mais. C'était la sortie de poule de Tom et Delphine. Cento, putain de merde. C'est clair. Puis après, derrière, ils faisaient ce qu'ils n'ont pas fait la dernière fois contre Seoshai. Ils mettaient le dernier point en apprenant de leurs erreurs. Et ensuite, ils analysaient le match de poule contre Zeng Wang et ils les tapaient en finale et ils étaient champions olympiques. Bon, allez, on va, ce sera pour Los Angeles. On va passer au dernier quart de finale. Et moi, une autre de mes déceptions des jeux après Poivarno Crotter, après Rankeredi Chetty, c'est Poivarno Crotter Atanachai qui perdent 23-21, 21-14 contre Watanabe et Higashino. Je sais pas si ce que j'ai dit c'était ça fait une bonne phrase parce que j'ai utilisé trop de mots, mais les Thaïlandais, Benoît, j'attendais pas spécialement à ce qu'ils tapent les Japonais, mais ce deuxième set vraiment pourri alors que je pensais qu'on allait vers sur un bon gros match en 3-7, ils m'ont vraiment déçu les Thaïlandais. Je sais pas si c'est la dernière fois qu'on les voit ensemble, mais c'est ouais, j'attendais quand même beaucoup mieux. Ouais, en vrai, franchement, ce premier set, il est à la fois un trompe-l'œil et à la fois révélateur du niveau des doutes, surtout des Thaïlandais. C'est vrai qu'on parle peu du contenu des matchs parce qu'il y a tellement de matchs dont on parle là sur les jeux et sur notre débrief que c'est compliqué. Mais très honnêtement, au moment de conclure et parce qu'il y a eu les volants pour conclure, tu sens que c'est compliqué. Tu sens que la confiance perdue depuis des mois, elle est. Elle va clairement pas revenir en deux secondes. Ce premier set, jamais de la vie, ils doivent le perdre. Et en fait, ça conditionne le deuxième. C'est ça, encore une fois. Et ouais, beaucoup de regrets. Alors, finalement, perdre en quart, vu ce qu'ils nous ont montré dernièrement, c'est vraiment logique. Mais oui. Je sais pas. Moi, je continue toujours de penser qu'ils vont mieux jouer. Ouais. Zeng Wang contre Watanabe et Higashino en demi. Finalement, Benoît, je pense que s'il devait avoir un classique du double mixte de ces dernières années, je pense que ce serait ce match. Ça doit être qu'on a le plus vu entre peut-être les deux meilleurs paires des 5 dernières années. Ouais. Watanabe et Higashino ont parfois sorti des perfs énormes contre Zeng Wang parce que pour les battre, ils sont obligés de taper des perfs énormes. Ils ont vraiment pas mal joué, sauf qu'en face, il y avait clairement pas moyen parce que Zeng Wang. Ils ont été ultra impressionnants comme ils le sont quasiment tout le temps en fait dans les matchs décisifs en plus. Ouais, est-ce qu'on peut dire qu'on a vu un grand match quand même? Souvent c'est rarement le cas pour des matchs 21-14, 21-15, mais ce match il est peut-être mieux que l'autre par exemple, alors que le score est tout autre. Moi je suis d'accord, j'ai pris énormément de plaisir. En fait, je trouve que le score est trompeur, alors que si vous allez voir le match, franchement je pense qu'il n'y a pas grand chose à jeter. Juste la différence, c'est que il y a une paire qui est injouable, qui était là en mission, on va en reparler, mais en fait je trouve qu'il y a Watanabe et Higashino, ils ont fait le maximum, voire plus que le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Il n'y a pas grand chose à jeter même dans leur prestation à eux, et honnêtement c'est juste que oui, il faut savoir s'incliner face à Zeng Wang à ce niveau là maintenant. Je suis d'accord avec toi, c'est probablement la meilleure rivalité, la plus grande en tout cas du double mix ces dernières années. Peut-être que ça changera avec Feng Wang ou avec d'autres paires, mais aujourd'hui c'est le cas et j'ai vu une vraie demi-finale olympique. Ouais, et Zeng Wang, moi, un peu comme Chen Jia, c'est que je respecte de fou le fait que déjà ils sont giga attendus et qu'ils sortent leur meilleur niveau au meilleur moment. Je trouve ça particulièrement impressionnant parce que Watanabe et Higashino, c'est une paire qui les a déjà battus et tu sais que t'as pas le droit, à l'erreur, donc je trouve ça particulièrement impressionnant. Ceux qui n'ont pas réussi à sortir leur meilleur niveau quand il le fallait, c'est Seoshae, puisqu'ils ont joué contre leur compatriote Kim Jae-hong et ils se sont la catastrophe que ça aurait pu être pour eux de perdre ce match s'est révélé vrai. Défaite 16-21, 22-20, 23-21. Benoît, de mémoire, je me souviens plus des confrontations directes, mais elle est largement en leur faveur, non, à Seoshae, me semble-t-il. Tu vas me confirmer ou m'infirmer ça si t'as l'info. Voilà, catastrophe, je pense que c'est le mot, parce que c'est vraiment, ils sont vraiment passés, même si c'est serré, passés à côté de leur sujet, Seoshae, parce que ce match, il doit jamais être serré, en fait. Je suis d'accord avec toi. Je suis en train de vérifier en même temps que tu me le demandes, parce que j'ai pas la stat, évidemment. Il suffisait que tu me demandes la seule que j'ai pas, mais très honnêtement, je ne comprends pas. Il y a plusieurs choses que je comprends pas. C'est la production sur ce match, qui est franchement, on a l'impression d'avoir eu un match serré, mais on n'a pas eu un excellent match au BAD, moi je trouve. On a eu juste deux paires qui se connaissaient et qui, dont le niveau est très proche parce qu'elles se connaissent. Je suis curieux de savoir ce que t'en penses, mais c'est fou de se dire ça, mais putain, mais les gars, c'est le moment de donner une fucking consigne avant le match. La fameuse. Ah non. Bah non, je suis désolé. Non. On peut pas appeler ça. Non. Ewan, je suis désolé, mais quand t'es la fédé coréenne, me dis pas que tu te dis que Kim Jong ils ont une chance de gagner une finale olympique. Non, mais c'est pas le sujet. C'est. Moi j'arrive rien à comprendre. Le niveau de jeu de Seo Chae, c'est pas normal. Non, c'est clair. Mais en plus tu t'exposes. Genre en arrivant en prenant pas le large. Comme ils ont jamais réussi à le faire, finalement tu t'exposes à te faire surprendre en fin de match comme ça, c'était sûr. Et Benoît, pour répondre à ma propre question, ça faisait 5-0 pour Seo Chae avant ce match. Non, parce que, mais oui, stop. Évidemment. Mais je me souvenais que c'était largement en leur faveur, je me souvenais pas à ce point-là, mais voilà, je pense qu'on peut parler de faute professionnelle. Et elle m'a fait de la peine, Chae, elle m'a fait de la peine avec ce qu'elle a dit après le match. Je pense que tu l'as vu aussi, quelqu'un l'a partagé sur le Discord. Déjà, elle a dit qu'elle arrêtait sa carrière. Et que, mais que voilà, elle a jeté le blâme sur elle-même. Elle a dit que, en tant que joueur la plus expérimentée de la paire, elle aurait dû faire beaucoup mieux et qu'elle est passée à côté de son match. Et elle s'excuse avec son partenaire. Elle m'a fait beaucoup de peine. Et pour le coup, c'est loin d'être ma paire préférée, Seo Chae. Mais au vu du niveau récent, il méritait largement cette médaille de bronze, au moins. Et ouais. Et enfin, franchement, respect à Kim Jae-hong qui, pour le coup, ça c'est peut-être la perf qui sort de nulle part des JO, Benoît. Ouais, même si j'ai bien le seum, je dois le reconnaître. Ah bah moi aussi. Chae, on reviendra dessus, mais 29 ans, fin de carrière, surprenant. Après, c'est un peu flou. Elle dit que son partenariat s'arrête avec Seo, mais oui, elle dit vrai. Pas clairement fin de carrière. Enfin, voilà, on aura. Il y a des joueurs qui ont été plus clairs. On aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, ouais, ça fout le seum parce qu'ils auraient mérité. Ouais, je sais pas s'ils auraient mérité plus que Watanabe Higashino, mais ils auraient mérité en tout cas. Enfin, en fait, quand on compare à Kim Jae-hong, en tout cas, la question du mérite, c'est eux qui méritaient de jouer une finale olympique. Voilà mon avis là-dessus. C'est une faute professionnelle, je suis d'accord avec toi. C'est le plus gros upset de ce tableau de double mixte, je suis d'accord avec toi aussi. Et il en faut évidemment dans un tableau, mais en fait. C'est un peu triste parce que déjà c'est entre compatriotes et c'est pas celui qui nous ravit le plus. Parce qu'en voyant ça, on savait quelle finale on aurait. Alors Benoît, on savait, mais moi j'ai été quand même surpris négativement. Bah tiens, on va faire la finale, on fera le match pour la troisième place vite fait à la fin. Victoire de Zheng Wang 21-8, 21-11. Alors a priori, Kim Won-ho était malade et il aurait vomi avant le match ou même pendant, je sais plus. J'ai pas fait gaffe, tout ce que j'ai vu c'est que les Coréens étaient absolument pas dans le match, hein. Franchement c'était plus une boucherie qu'autre chose et effectivement c'est plus ou moins ce qu'on attendait. C'est pour ça aussi que moi je suis pas fan de Seo Chae, mais ils auraient clairement pu tenir tête aux Chinois. Jae-hong Kim les avait déjà battus 3 fois, alors ça c'est quand même une stat qui est assez ouf, mais Benoît, malgré ça, on est quand même dans un contexte ultra différent et je pense que personne qui connaît un peu le BAD ne s'était dit tiens, Zheng Wang vont être en danger sur ce match ou vont le perdre. Non, clairement, après moi je me souviens hein, quand j'avais 10 ans que mon daron le dimanche matin il me disait on va aller jouer au BAD ce matin, on va faire du simple. Je savais qu'il allait m'humilier. Je pense que Kim Jae-hong, ils l'ont vécu un peu pareil. Il y a les boss du game qui les ont appelés et qui leur ont dit bon, il y a une finale olympique aujourd'hui. Vous savez très bien comment ça va se passer. Kim Won-ho, tu vas vomir, tu vas être malade et puis tu vas prendre 8 et 11. Franchement, est-ce qu'il y a un monde où Kim Won-ho à 100%, je sais pas ce qui s'est passé et tout, mais est-ce qu'il y a un monde où il marquait plus de 13 points par set? Je ne pense pas. Ils auraient pu en mettre, voilà, c'est ça, 5-6 de plus dans chaque set, mais l'issue, on la connaissait de toute façon. Voilà. Benoît, juste avant qu'on reparle des médaillés, un petit mot sur ce match pour la médaille de bronze. Watanabe Higashino qui bat Seo Chae. 21-13, 22-20. Seo Chae, je ne sais pas s'ils étaient largement remis de cette demi-perdue. Je pense que ça devait peser encore un peu. J'ai pas trouvé que c'était un excellent match. Je sais pas, peut-être que je deviens trop exigeant. Non, non, tout pareil. Match relativement décevant. Relativement décevant parce que c'est Ochaï était clairement pas à leur niveau. Je pense qu'ils ont pas digéré la demi-finale et je peux le comprendre. Malgré tout, je suis à la fois un peu déçu de la qualité du match, à la fois un peu heureux pour Watanabe et Higashino. Il s'agirait de gagner à un moment donné parce que ça fait beaucoup trop de défaites. Enfin, quand je dis de défaites, je veux dire de médailles non dorées. Parce que c'est quand même la deuxième médaille de bronze au jeu. Je crois qu'il y a 4 médailles mondiales, mais aucune en or. Les Sudirman, c'est pareil, le Japon n'en gagne jamais. Les Jeux d'Asie, il me semble qu'il y a 2 ans, ils font finale. Enfin bref, il y a beaucoup de compétitions qu'ils ne gagnent pas et il s'agirait à un moment donné de briser ça. Maintenant, le palmarès, je trouve qu'il s'agrandit et bah, c'est ce que tu as dit aussi, ça résume la rivalité avec Zheng Wang. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, sur les 5 dernières années, bah, c'est eux la deuxième plus grande paire. Non, c'est clair, tu l'as dit. Ils conservent leur médaille de bronze. Ils sont la seule paire japonaise à l'avoir remportée dans l'histoire des jeux en mixte. Pour moi, ça résume bien Watanabe et Higashino, qui sont un peu la paire frisson, mais qui, évidemment, ils ont des grands titres. Ils ont gagné le All England, je sais plus, 2 ou 3 fois. Donc, évidemment, c'est pas des pipes, mais il leur manque ce petit truc. En fait, c'est que on aimerait tous les voir gagner les jeux, Benoît. Mais en vrai, que ce soit à Tokyo ou à Paris, c'est jamais la meilleure paire du monde, Watanabe et Higashino. Je sais pas si ça l'a été un jour, tu vois. Ouais, bah je trouve que ton analyse est la bonne, ou en tout cas la mienne aussi. C'est que c'est cette paire frisson, cette paire... tu sais que quand tu les regardes jouer, tu vas prendre du plaisir, ou en tout cas quand ils sont bien dans leur basket. Mais il y a le fait que, un, il y ait sur leur génération toujours une à deux paires chinoises vraiment monstrueuses. Ils seront toujours dans le top 4 mondial, il n'y a pas de doute, mais ils seront, en tout cas, là, sur les 5, 6, 7 dernières années, ils ne sont pas les meilleurs, et j'ai du mal à voir comment ils le seront. Non, je suis assez d'accord. Et Benoît, pour Kim Jae-hong, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'est avant les Jeux, c'était inespéré cette médaille, la première médaille en coréenne en double mix depuis 2008. C'est une paire qui est, allez, pour moi un peu plus forte que J.K.L. Delru, mais qui a pas le niveau top 5 mondial. Donc inespéré, ils ont eu un tirage assez favorable, puis un match de fou contre leurs compatriotes, et voilà quoi, ça fait médaille. Je suis pas sûr d'avoir envie d'en parler plus que ça. Honnêtement, ça me va. C'est pas le reflet. En fait, pour moi, on a franchement les tableaux doubles de manière générale, et celui-là aussi en particulier, il y a eu une telle qualité de jeu, de tels moments de légende et tout, que je trouve que, franchement, c'est dur de dire ça, parce que tu mérites toujours une médaille, mais presque... leur arrivée fait presque tâche dans le contenu. Ouais, non, c'est clair. Et c'est là que toi et moi, on aimerait que les Jeux, ce soit peut-être des fois le reflet de ce qu'on voit entre chaque Olympiade, mais ça reste une compétition et forcément, il y a toujours une paire. Voilà, je sais pas, je pense à Ellis et Langridge qui ont tapé médaille de bronze. Là, c'est un peu la même chose, quoi. Il faut être bon sur une semaine. Ouais, et Benoît, ouais, pour Zheng Wang, que dire, parce que je pense qu'on a déjà tout dit. Et en plus, vous pouvez écouter ce qu'on a dit sur Tianjia tout à l'heure, parce que c'est exactement la même chose. C'est incroyable qu'ils aient pas gagné l'or à Tokyo. Totalement logique que ça arrive maintenant. Et ben maintenant, le plus dur pour eux, ça va être de trouver une quelconque motivation en se levant le matin, parce qu'ils ont absolument gagné tout ce qu'il y avait à gagner. Ouais, bah je pense que c'est une des plus grandes paires de l'histoire de ce sport. J'en parlais pour... Tom, je le répète, mais du Bombadis nous a proposé d'en parler. Et effectivement, c'est ce qu'on disait. Mais franchement, aujourd'hui, à chaud, c'est facile et tout. Mais dans 10 ans, faudra vraiment se pencher sur leur cas. Ils ont tout gagné. Ils ont quoi, 27 ouais, et 28 ans, peut-être. Je pense qu'on est sur une génération chinoise aussi qui n'a pas l'envie de... d'aller jusqu'à 35 ans, Zheng Ziwei, il le dit, après Tokyo, c'est sa partenaire qui l'a poussé à aller plus loin. Lui, il a pris sa mini-trêve avec mariage, naissance de son enfant qui est venu quand il avait repris, mais bon, en tout cas, sa femme est tombée enceinte et tout. Wang Ya-kyung, on peut imaginer aussi qu'elle aura d'autres projets. On pourrait parler de cette magnifique demande en mariage que beaucoup retiendront plutôt que le niveau de jeu. Mais en tout cas, je sais pas quelle sera leur motivation après ça. Je serais très honnêtement avec toi. Je sais pas ce que t'en penses, Ewan, mais peu surpris qu'un des deux ou les deux arrête. Moi personnellement j'espère pas, parce que je suis assez fan de cette paire et de ce qu'ils apportent au BAD et de même cette génération chinoise de manière générale, ce qu'elle apporte au BAD globalement. Mais en fait ils ont quelle motivation tu veux trouver quand t'as tout gagné, c'est ça. Wang Ya-kyung, elle a 30 ans en fait, c'est une 94, j'ai oublié qu'ils avaient autant d'écart. Non mais je pensais aussi qu'ils étaient plus proches effectivement. Ouais, à 30 ans, championne olympique et femme mariée, est-ce qu'on va la revoir sur un terrain je sais pas. Limite, Benoît, ce qui me ferait le plus kiffer, c'est qu'ils reprennent séparément. Je pense que ça n'arrivera pas. Zheng Ziwei en double homme, on en a déjà parlé en off. Ouais, mais tous ça, les deux, Benoît, c'est, tu sais qu'on le met tous les ans au pied du sapin, mais qu'on l'a jamais. c'est tellement l'image. Franchement, je pense que toi comme moi, c'est tellement l'image. C'est vraiment. C'est un souhait plus qu'une possibilité. C'est clair. Bah tiens, il pourrait pas jouer avec le mari de sa partenaire actuelle, le nouveau mari de sa partenaire actuelle. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Mais en vrai, c'est ce que je me. Le premier truc que je me dis quand je parle d'eux, c'est comment ils vont trouver, même s'ils pensaient rejouer, au-delà de leur vie perso et de leur âge, comment tu trouves la motivation de rejouer quand t'es Zheng Ziwei, que t'as entre guillemets que 27 ans. Comment tu trouves la motivation? Il a fini c'est le ça, game. Il a tout gagné en mixte. Effectivement, il peut peut-être se mettre au double homme. Mais il a fini le jeu, Zheng Ziwei. Je ne sais pas s'il le fera, mais enfin, les deux, ils sont trop, trop forts. Et je pense que maintenant, chaque fois qu'on les reverra, si on les revoit, je pense que moi, je le prendrai comme un bonus de voir une paire. Effectivement, pareil. Benoît, parce qu'on a eu la chance de faire ce podcast sur le prime d'une des peut-être meilleures paires de tous les temps. Peut-être la meilleure, on ne sait pas. Mais voilà. Je pense que les superlatifs, on a du mal à les trouver pour Zheng Wang, mais voilà, on les a peut-être trop pris pour acquis et maintenant on sera triste si on les revoit plus. Ça c'est certain, parce que au-delà des résultats, il y a la manière aussi. C'est un jeu super attractif avec franchement deux joueurs exceptionnels. Voilà, Benoît, cette fois c'est bel et bien terminé notre débrief des jeux. Effectivement, comme je te relance sur ce que tu as dit, je crois, au début de cet épisode et aussi sur le dernier, on a vu plus de bons matchs en double qu'en simple, je trouve. Globalement, ouais. Je retiendrai peut-être plus de matchs en double, effectivement. Ouais, mais même la dramaturgie et tout, on était plus au niveau des JO. Dans ces trois tableaux doubles de manière générale, même, tu vois, au niveau de tout presque. Pour moi, il y a vraiment un écart entre les doubles et les simples, et c'est assez rare que ce soit aussi binaire. Mais ouais, franchement, je pense que les tableaux de simples, j'en retiendrai pas grand chose à part l'histoire qui a été écrite par certains, mais dans les. Par les vainqueurs surtout. Ouais, voilà, mais ça, c'est tout, tu le retiens toujours, peu importe la qualité des matchs. En double homme, notamment en double mixte aussi, on a eu quand même des trucs vraiment, vraiment fous. Ouais, non, c'est franchement clair. Là, pour le coup, ouais, on a entre les deux paires, Chen Jia et Zheng Wang, qui devaient gagner pour parachever quelque chose, et Li Wang qui parachève un truc vraiment bizarre, mais qui sont double champions olympiques. C'est vrai qu'il y a eu de l'histoire avec un grand H qui a été écrite à l'Arena de la Chapelle. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, pour franchement, je pense que tu rebondiras dessus aussi, mais ça fait déjà deux Olympiades que 21 Shuttle existe. C'est vrai. Y a beaucoup de choses qui ont évolué pour nous, beaucoup qui évolueront à la rentrée et sans doute après aussi, des projets perso, des projets du podcast, enfin, projets pro, enfin bref, plein de choses. Je sais pas ce qu'on sera en 2028. Honnêtement, aujourd'hui, c'est dur de le dire. On continuera autant qu'on peut. Pas à Venice Beach en attendant, en se reposant sur la plage, en attendant d'aller voir les matchs. Voilà ce qu'on va faire, Benoît. On aura quasiment 30 ans, mon gars, c'est tout ce que je peux te dire. On finit là-dessus, c'est terrible. Non, mais on peut remercier aussi les gens qui sont sur le Discord, parce que je pense que quand on l'a créé, on n'imaginait pas que ce soit un truc aussi fou. On a pu parler toute la semaine entre passionnés, c'était trop bien. Et voilà, j'ai pas envie de. Il y a plein de gens qui sont dessus et qui l'animent mieux que nous, presque. Enfin, pas presque. Pas presque. Non, non, ouais, c'est ça. Et voilà, juste vous remercier, auditrices et auditeurs, pour les previews, pour le Discord, de nous écouter au quotidien et de nous donner envie de continuer aussi. Rien à rajouter, c'était parfaitement dit. Juste vous dire voilà que effectivement comme Benoît l'a dit tout à la fin, ces previews avec vous nous ont donné qu'une envie, c'est de refaire des épisodes avec vous, parce que on n'était pas surpris, mais ça s'est peut-être passé encore mieux que ce qu'on pensait avec Benoît. Vous êtes beaucoup, vous êtes calé en bat, vous regardez beaucoup de matchs, vous avez des stats, vous avez tous, même si certains n'avaient peut-être pas l'habitude de parler comme ça dans un podcast, vous avez tous géré. Donc on a hâte, et tout le monde n'a pas pu venir en plus, donc on a hâte effectivement de vous réentendre, et c'est quelque chose qu'on va définitivement faire plus. Voilà, je continue pas beaucoup parce que ça fait déjà 1h45 qu'on parle, mais on refera peut-être un épisode pour vous présenter un peu les choses qu'on aimerait mettre en place, etc. Peut-être au détour d'une FAQ, on va essayer de changer quelque chose dans ce podcast pour repartir encore plus fort. Pas d'épisode lundi, mais vous inquiétez pas, on revient très bientôt, je pense, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis après, le circuit va recommencer tout doucement, mais vraiment très doucement, puisque vous le savez si vous suivez le BAD, les tournois post-olympiques, souvent, il y en a beaucoup qui se reposent, et c'est mérité. Merci Benoît d'avoir fait je pense qu'on est à... On va être à 3h30 de bilan de JO. J'ai adoré, c'est passé trop vite. Aujourd'hui, je pense qu'on était tous les deux un peu fatigués, mais ça n'a rendu l'épisode que meilleur. Oui, c'est exactement ça. Mais la seule personne que j'ai pas remerciée, c'est toi. Donc j'en profite pour le faire aussi, parce que sans toi, très clairement, ce podcast n'existerait pas. Et je prends énormément de plaisir à le faire avec toi. J'en prendrais sans doute pas, ou pas autant en tout cas, seul ou avec quelqu'un d'autre. Et je pense que si ça peut continuer, c'est aussi parce que t'es là. Oh, en vrai, ça me touche. Mais je te retourne évidemment tout ça, et effectivement, rassurez-vous, avec Benoît, si on veut faire évoluer le podcast dans le futur, c'est justement parce qu'on veut le faire durer plus, et on est toujours aussi chaud pour faire les épisodes, surtout des épisodes comme ça. Bon courage, Ewan du futur, pour le monter. Donc on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode avec Benoît. On va discuter un peu de ce qu'on fait, mais j'aimerais bien, Benoît, tiens, tant que je t'ai encore, on pourrait peut-être se pencher sur ce qu'on va regarder dans cette Olympiade à venir. Je sais pas, les pépites qui montent, les paires qui vont se séparer, voilà, un truc un peu plus à froid. Ça pourrait peut-être être sympa. Merci à tous et à toutes de nous suivre. À la prochaine. 绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。